sur la foi, le dogme, l'aqida. Tu dis, ah, c'est connu, c'est la foi. Il revient une autre fois. Tu trouves par exemple respect des parents. C'est connu, on respecte les parents. Il revient une troisième fois. La prière. Purée, c'est connu la prière. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le même grand sujet. Vous avez remarqué, c'est comme ça dans le monde entier. Même on voit dans les pays arabophones, il y a l'islam des fois de 200%. Tu vas retrouver, subhanallah, de nouveau les mêmes affiches. La prière, l'aqida, les parents, ça c'est les gros dossiers qui reviennent tout le temps. Vous savez pourquoi? Et si on le lit, est-ce qu'on comprend? Allah subhanahu wa ta'ala nous répond, Allah il nous dit clair et net, inna ibadi, en mathématiques, vous savez ce que c'est. Si et seulement, si. C'est tout. Il n'y a pas moitié-moitié. Soit tu es un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se doit. À ce moment-là, la réponse, Mashallah, fait plaisir. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. C'est quoi ce sultan? C'est quoi un sultan? Savoir. En français, on dit un sultan. Pouvoir. Hein? C'est quoi? C'est quoi? Donc, on connaît que Sultan Kebab, hein? Sultan Kebab, vous connaissez? Non, mais vous savez que vous connaissez. Pourquoi on l'appelle Sultan Kebab? Parce que c'est le roi de la kebab, c'est le roi de la chaleur. C'est ça le sultan. Un sultan, c'est ce pouvoir qui a été donné à une personne. Eh bien, subhanallah, Satan, il croyait qu'il avait un pouvoir sur nous. Et Allah, subhanallah, ta'ala, lui a dit, mes serviteurs, ceux qui m'adorent comme ce roi, laïs ala ka'ali, sultan, tu n'as aucun pouvoir vis-à-vis d'eux. Il faut pas venir arnaquer des fois en disant « Après les frères, c'est Satan qui m'a mis. » Non. Satan, il n'y a rien. Voilà. Satan, vous savez ce qu'il fait? Il vient, il teste. Il te dit « Ça dit de toucher à ça. » Et il voit. Moi, j'aime bien quand je parle, je regarde toujours les têtes. Vous savez pourquoi? Parce que chaque phrase, d'après le sourire qu'il y a, prouve qu'il y a quelqu'un qui est déjà passé par ce test. Vous l'avez remarqué ou pas? Dès que j'ai dit « Satan, il vient, il te teste. » Il te dit « Qu'est-ce que t'en penses d'eux ?» Il m'a déjà eu, c'est vrai, il a raison. Je crois que j'ai 20 fois, 30 fois, 15 ans, d'autres pendant 20 ans, d'autres ils n'ont toujours pas ouvert les yeux. Et Satan, à l'endroit, est au courant qu'il y a des actes, écoutez-moi bien, cher Fondre, il est au courant qu'il y a des actes qui sont tout petits. Regardez toutes ces théories, je vous dis, voilà, il faut pour toute votre vie et pour vos enfants, plus tard. Il est au courant qu'il y a certains actes qui sont tout petits, simples. Ils sont simples. Et des fois, tu ne vas les faire que une minute, quatre minutes, cinq maximum. Comme là, la prière. 5 minutes, et je vais voir. Fois cinq fois par jour, ça donne 25 minutes. Est-ce qu'il nous a eu ou pas pour la prière? Il a eu la moitié de la communauté, comme vous le remarquez. Alors, on a pris le marron, certains s'amusent encore dehors. Certains sont devant la télévision, certains dans les cafés. Certains sont même au courant qu'il y a la prière et on peut ajouter plein de vécu. Il est au courant, subhanallah, qu'il y a des personnes avec qui vous allez vivre toute votre vie. Mais votre paradis va dépendre de comment est-ce que vous avez fonctionné vis-à-vis d'eux. Que ce soit, subhanallah, les parents, les amis, un responsable, un chef d'État. Regardez tous ces êtres humains là que je viens de citer, ce sont tous des personnes que chez nous, dans notre religion, on voit comment est-ce que tu fonctionnes vis-à-vis d'eux. Et il sait, subhanallah, Satan l'a Allah, il sait que certains, tu seras beaucoup plus proche d'eux que d'autres. Par exemple, quand tu es, subhanallah, quelqu'un qui vit ici, en France, ou en Belgique ou autre, les personnes que tu vois le plus, il y a deux solutions. Soit c'est tes parents ou tes amis. Comment ça les amis? Ben, si. Parce que si tes parents vivent au pays et toi tu es ici, comme ça s'est passé pour nos parents, ça a été déjà au moins la patience qu'ils ont eue, et leurs parents, nos grands-parents étaient au bled, ça c'est une partie. Soit tes parents sont morts, qu'est-ce qui te reste? Ta famille et tes amis. Et Satan, la Allah, Yashabab, il est au courant de toutes ces catégories-là. Et il sait ce qui va te rapprocher de l'enfer, et il sait ce qui va te rapprocher du paradis. Il le sait. Abdullah, il le sait, c'est un ennemi. Tu le crois. Mais pour celui qui oserait dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est peut-être pas juste, voilà, il le pense certain, on le voit dans les mails des fois. Oui, mais si Allah il nous aime, comment ça se fait qu'il nous a envoyé un ami qui est tordu, qui t'a dit ça, on l'a envoyé à la manière dont toi tu l'expliques? Que connais-tu dans le domaine de l'Aqid, qu'est-ce que tu sais dans ce domaine-là? Pour oser accuser Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a laissé le Coran, la Sunna. Et t'a expliqué comment fonctionner sur cette terre. Il t'a même expliqué qui doit être, subhanallah, un pied plus élevé et un niveau plus élevé que quelqu'un d'autre. Tes parents, ils ont un niveau beaucoup plus élevé que tes amis. Tes parents ont un niveau plus élevé que ton épouse, que ton époux. Et ils ont un niveau moins élevé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous le savez, c'est lui qui passe avant tout. Tout ça, il est au courant, ça prend un moment. Et voilà pourquoi il a amené la plupart d'entre nous, spécialement pour ce sujet, par rapport à nos parents. Voilà pourquoi on vous rappelle tout le temps, les chevaux. Donc si dorénavant vous entendez quelqu'un, comme il s'est passé aujourd'hui pour certains d'entre vous, qui ont été dit à certains, venez, il y a une conférence, c'est sur quoi? C'est sur les parents. Ouais, je suis au courant, il faut les respecter. Non. Venez toujours suivre un rappel. Parce qu'à chaque fois que tu envoies un rappel, tu es sûr et certain que quand tu sors, tu n'es pas le même que quand tu es rentré. Impossible. Voilà pourquoi chez nous, voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire le rappel. Parce que le rappel, justement, il en vaut la peine. Et spécialement, les chabab, ces dernières années. Alhamdulillah, j'ai eu l'occasion de travailler pendant presque 15 ans dans un centre islamique. En commençant comme éducateur dans une école islamique, donc reconnu par l'État. Et après, en tant que prédicateur de l'école du monde islamique, qui a son siège à la Mecque, donc au centre islamique de Bruxelles. Je suis encore le prédicateur de la langue du monde islamique. Et pendant 15 ans, je me suis occupé, alhamdulillah, et après, pendant plus de 11 ans, des conflits conjugaux et des conflits dans le domaine de la famille. Et j'ai vu la différence qu'il y a depuis le jour où j'ai commencé ce boulot, il y a presque une quinzaine d'années, jusqu'à aujourd'hui. Notre génération qui sommes nés ici, qui avons maintenant 40 ans, lorsque ton père te parle ou ta mère te parle, s'il y avait moyen de se plier en trois, tu te plies en trois. Et si jamais ton père se fâche sur toi, Wallah, et tu es malade toute la journée. Et certains doivent dire, plus n'est-ce pas cette secte. Ok, reste comme ça. Tu es malade. Si ton père te quitte le matin en allant au travail et qu'il est fâché sur toi ou contre toi, Wallah, on était malade toute la journée. Pour nous, notre journée était foutue. Aujourd'hui, tu dis aux jeunes, hey, ton père a vu rien crier dessus. Laisse tomber, il passe à rien crier dessus. Passe à rien crier. Pas le diabète, t'inquiète. Pas le t'inquiète. Vous avez même ici en français, je suis en Belgique, c'est devenu international. Donc il y a un type, il n'a pas pris, t'inquiète. Alors demain, il est à l'autre. T'inquiète. On n'osait pas remettre une parole. Mon père vient chez toi, même s'il trouve un mois d'âge, je ne vous parle. Mon père a 5 ans, 70 ans. Et des fois, il faut le dégager, puis il fait, regarde. Je vais oser commencer à me dire, ah si, comme si vous n'avez pas dit ça, je vais commencer à lui parler. C'est impensable encore. Aujourd'hui, c'est un père qui fait une remarque, ou une mère qui fait une remarque, vous savez très bien quelles sont les réactions qu'on a chez beaucoup d'entre nous. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les chabab, dans Sourate Al-Isra, et c'est la Sourate qui parle de la nature du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le verset quand il commence, il fait peur. J'espère que vous reviendrez à ce verset, Inch'Allah, quand vous rentrerez chez vous, même ceux qui connaissent le Coran, même ceux qui ne connaissent pas la phonétique, pour aller ne fût-ce que le relire et te poser des questions, où est-ce que tu es par rapport à cela. Allah subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsan. Voilà ce qui nous bloque, Inch'Allah. Allah, voilà ce qui nous bloque. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis au même niveau qui les parents et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset il commence par waqaba. Ça c'est quoi waqaba? Qaba c'est quoi? Non, c'est un décret. Imagine quand il y a un décret voyant, entre guillemets, par exemple, un roi, une décrète, une loi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'après la soupe qui est sorti devant en disant non, c'est quoi? Je ne suis pas d'accord, ta loi, tu quelqu'un se veut faire. Imaginez-vous ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a créé, qui m'a créé, qui a créé tout ce qui tourne autour de nous. Il vient et il dit, subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, ar-Rahman, ar-Rahim. Et qu'est-ce qu'il te dit? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tu l'adores que lui, subhanahu wa ta'ala, et tu ne lui associes rien. Ni marabout, ni rien du tout, pas de sorcellerie, pas de magie, pas de petit dieu qui va, entre guillemets, être un mini-dieu qui va intercéder. Vous connaissez toute cette histoire-là par rapport au polythéisme, le fait d'associer tout ce cours-là, il y a ton âge, on voit que nos jeunes maintenant qui ont 15, 16, 17 ans, leur rêve c'est quoi? C'est qu'une fois qu'ils sont à l'école arabe, quand est-ce que j'aurai 15 ans, ça je dégage de l'école arabe. Là, le fruit de tes années dans l'école arabe, tu sais c'est lequel? Même si tu vas te dire, oh, mais j'ai appris que là, le fruit c'est que tu vas être capable, on en parlera demain matin, j'espère que vous viendrez déjà dans 11 heures, on en parlera. Le fruit c'est parce que tu vas justement tomber devant ces versets-là et tu vas essayer de les comprendre pour voir qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi sur terre. Tu n'as pas 500 000 missions derrière. On n'a pas 500 000 missions. Quand tu vois l'islam est très facile, il te dit adore Allah subhanahu wa ta'ala, que lui seul. Et l'adoration, vous le savez, on va voir aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il faut nous taba, il faut suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il te dit quoi? Wa bil walidayni ihsana, bonté vis-à-vis d'elle. Hatta certains de nos savants, je sais, et ils te le disent, ils ne discutent pas par rapport à ça, vous savez ce qu'ils disent. Ils disent que si jamais une personne, subhanallah, a délaissé la deuxième partie du verset, il dit c'est comme s'il vient d'entacher la première partie du verset. Impossible que tu me dises que tu es un serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et vis-à-vis de tes parents, tu es quelqu'un qui est exécrable. Avec cette logique. On ne peut pas trouver ce mot. Et le dilemme qu'on a aujourd'hui, et qu'on sait lequel, c'est que des fois, on peut trouver certaines personnes qui vont te dire, moi, effectivement, je suis quelqu'un qui respecte mes parents. Mais ce sont des innovateurs. Ce sont des égarés. Ce sont des cas, il va t'ajouter des véhicules, des véhicules. Et ce point que quand tu vas aller voir, effectivement, tu vas trouver que ces parents sont des véhicules incroyables. Tu vas être étonné. Même comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, wa bin wa l'udayni. Certains de nos mâchés, et même des anciens exagèrent, vous savez ce qu'ils ont dit? Pourquoi il n'a pas parlé tout simplement de parents, par exemple, musulmans? C'est vrai ou pas, les jeunes? Pourquoi il n'a pas fait une petite différence? Non, parce qu'il y a parmi nous-mêmes ici dans la salle des convertis, des reconvertis du monde. Et leurs parents sont musulmans ou pas pour certains? Non, ils ne sont pas musulmans. Même comme ça, cher frère, tu rentres dans l'islam, qu'est-ce que tu fais? Tu zappes tes parents direct? Non. Un ihsan, pas bon, tu n'as pas le choix. Voilà la beauté du Coran, subhanallah, vis-à-vis de nos parents. Deuxièmement, est-ce qu'il a dit seulement vis-à-vis du père ou bien seulement vis-à-vis de la mère? Les deux. Pour que même si un faillit à son devoir, ou bien il n'est pas pratiquant comme il faut, tu peux te sortir tout ce que tu veux. Les deux, Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposé. Les deux. Ton père et ta mère. Même si un est musulman, c'est-à-dire ton père est musulman, et ta mère n'est pas encore musulmane, ça arrive. Ou un couple, par exemple, où l'enfant, subhanallah, s'est converti, et des fois le père est entré dans l'islam, la mère pas. Ou bien pour un musulman, et il a le droit, il s'est marié par exemple avec une chrétienne, ou bien une juive, elle n'est toujours pas entrée dans l'islam. Même comme ça, tu ne peux plus dire, ah, moi c'est qu'aujourd'hui, moi je suis du côté de mon père, ou bien de là. Ou bien loin, il est les deux. Et le problème, mes chers, c'est que quand on voit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a fait cette recommandation-là, on oublie une chose, c'est que l'on va être automatiquement alors questionné. Voilà pourquoi de nouveau Satan nous a marqué. Wallah, et quand tu tires la tête sur ton père ou ta mère, quand tu réponds à ton père ou à ta mère, les anges qui sont là notent. Les anges notent. Et les savants sont unanimes de dire que quand il y a un décret, quand il y a un ordre qui a été donné au voyant de mettre en pratique quelque chose, est-ce qu'il va être questionné ou pas? Il va être questionné. Parce qu'on ne travaille pas comme ça pour rien. On ne nous a pas laissé comme ça sur terre, abadan, c'est-à-dire rien, dans vie. Aucune obligation. Donc à chaque fois que vous allez remarquer que vous avez un devoir vis-à-vis de quelque chose, sachez que vous allez être questionné. Et le questionnaire, vous savez très bien, il peut être très dur. On n'imagine pas les devoirs. On n'imagine pas comment ça s'appelle. Vous savez tous. Il y a des personnes qui vont faire, par exemple, une interview ou un bureau. Il ne va pas se faire tuer, c'est comme pas. Il ne va pas pour soi avec vous. Et comment il est? Dans quel état de stress il est? Le type, il est blanc pendant 3 jours. Quand il ne faut pas parler. Il ne mange plus. Il ne dort plus. Pour une simple interview, duquel va dépendre quoi? Un salaire de 1000 euros, par exemple. Et il est mort pendant 3 jours. Il est dans le coma 3 jours. Il ne reçoit rien. Son satellite, il est coupé. Il n'a rien. 3 jours. Et quand il sort de ses questionnaires, soit, subhanallah, c'est un visage, mais resplendissant, incroyable. Resplendissant, tu ne l'as jamais vu. Soit c'est un visage jusque par terre. Donc ceux qui s'y connaissent en religion, ils croient que le type vient de passer au prière, ils croient qu'il était dans un jugement, alors que ce n'est rien du tout par rapport à ce qui nous attend le jour du jugement de Dieu. On voit Yachabab, ce n'est rien du tout. Malheureusement, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. témoigne à notre mère à tous quand elle a entendu que l'on va être nu et on attend le jugement, elle était gênée aussi. En tant que femme, elle était gênée. Donc on va nous regarder. Peut-être que le prophète se me rappelle, est-ce que je vous parle ce jour-là, les gens pour commencer à regarder à gauche à droite. C'est un jour tellement catastrophique. Hein. Et c'est là que les climats va dire Galitani Kuntu, si je pouvais, devenir poussière. Et c'est là que vous allez voir qu'est-ce que l'importance justement de tous ces fameux petits dossiers, et spécialement celui qui nous intéresse bien que aujourd'hui, spécialement vis-à-vis de nos parents. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a demandé justement d'avoir ce respect vis-à-vis des parents, il nous a demandé ce respect général, oui, mais subhanallah, regardez ce qui est beau. Et ça, c'est, ça peut nous paraître vrai toujours, mais c'est une réalité. Ça, c'est un argument qu'on va garder quand des fois des jeunes ont des discussions avec des non-musulmans qui leur disent voilà, chez vous, la femme n'a aucune place. Vous connaissez cette phrase-là. La femme n'a pas de place chez vous. La femme ceci, la femme cela. Ça, c'est un simple complexe d'infériorité. Comme quand quelqu'un, par exemple, ne sait pas acheter des frites, qu'est-ce qu'il fait? Il critique la frite. C'est tout bête. Mais dès que tu sors une assiette, tu vas dire mais c'est pourquoi un jour, hein? Parce que j'aurais pas dit non, on sait que tu fais. On peut manger ça depuis des semaines et des années. C'est pour ça que nous nous envie par rapport à certaines choses. Et la preuve, où est-ce qu'elle est? Eh bien, elle est dans l'air du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vient et on lui demande, il est dans le prophète musulman. On lui dit, quelle est la meilleure? Ya Rasulallah, quelle est la meilleure des compagnies? C'est comme si aujourd'hui, on se demande, tiens, quel est le meilleur des copains, copines? Le copine, ah oui, la chef. Oh, le copine, ah, vous allez dire que c'est faux. C'est faux. Moi, je fais souvent avec des jeunes au lycée, quand on parle de religion, je leur fais souvent ça, je leur dis, c'est qui ta meilleure copine? Des fois, les jeunes, c'est qui? Ça fait des mois qu'ils suivent contre religion, ils disent, il n'y a pas de copine, monsieur, je dis, ah, là, c'est faux, il y en a une. Tu m'as vu où, monsieur? Certains des attentes. Certains des attentes, tu m'as vu où? Vous y êtes trop tard, et d'autres qui arrivent sont sincères. Même comme ça, subhanallah, même si le père est un frère intime, toi, il y a des parents qui sont là, mon frère peut plus lui faire tenir au pied. Il est devenu, pour moi, une spirale, elle va se lever, votre mère a tous ici. Elle va se lever, une spirale, elle va s'occuper de toi et te sauver de la plante qui se pend dans laquelle tu cours pendant 2 heures. Et une fois que tu as fait un certain âge, que tu as un petit plus ou moins 50 kg de muscles, quand tu vas te lever, tu vas te dire, c'est bien, c'est terminé. Peut-être, je suis occupé de demain. Quand il fait ses études, ma mère, en ce moment, elle est une inspirée, elle est bien inspirée. Ça, c'est pendant mon chiffre. Quand je suis dans la cour, vous avez été appelé, vous avez entendu d'autres cours dans les écoles de l'État lycée, religion islamique, vous voyez, peut-être certains se commencent à la religion islamique dans les cours. Chez moi, en Belgique, c'est une autre loi que chez vous. Chez moi, en Belgique, dans chaque école de l'État, dès qu'il y a un musulman, l'État met obligatoirement un professeur de religion islamique 2 heures par semaine pour les jeunes. Et lui apprendre la religion. Au moins, je vous donne cette opportunité. Je vais pour les collèges jusqu'au bac. Et donc, quand je suis dans la cour, les images qu'on a en TikTok, c'est bon. J'entends les petits trafics d'otages et les disparements de trucs, la manière dont ils citent les parents. Donc voilà, ta mère t'a porté pendant 2 mois, elle t'a porté. Et après, son train là, mais toi, tu oublies tout cela. Peut-être dans un autre monde. Elle t'a porté, et puis est venu l'accouchement. Mais entre l'accouchement et les premières semaines, qui est au courant de comment ça se passe? En général, c'est dans l'intimité. C'est ton père qui a vu ta mère vomir pendant des heures et des jours. Machad à l'intérieur, tu vas commencer à se transformer. Qui vomit comme une folle? Qui vide ce qu'il y a dans le ventre? Ce qu'elle a dans le ventre, alors qu'elle n'a encore rien inscrit. C'est qui? Ton père ou ta mère? Ta mère. Il y a des mères, vous savez, il y a des sœurs, il y a des femmes, c'est là, il reste des fois 2 mois à vomir. Elle a du mal à être enceinte. Donc elle est enceinte, mais elle a du mal, entre guillemets, à... Voilà, elle a un problème. 2 mois, elle vomit. Elle ne dort pas comme il faut. Voilà pourquoi je vous dis que ça, dans la Ramadan, il est au courant de tout ça. La plupart d'entre nous, il faut oublier ce détail. Vous voyez que chaque musulman, des fois, quand il est enceinte, il voit sa mère, il se rappelle de sa mère quand elle est enceinte. Sincèrement, ce qu'on le fait, c'est inconnu au bataillon chez nous. C'est rare. Il y en a qui le font, alhamdulillah. En général, déjà, mais c'est pas bien. Mais on sait très bien qu'un gros pourcentage, on oublie cet événement-là. Jusqu'au jour où certains d'entre vous se sont mariés, de la deuxième génération, troisième génération, et puis ils ont remarqué, ils se sont dit, subhanallah, oh là. Moi, j'ai des jeunes, jazakallah, maintenant, qui sont pères de famille. C'est là que certains ont appris, donc, j'ai ce qu'on va. Comment faire pour se repentir? Qu'est-ce qui se passe? Faites calme, tu sais, il y en a qui sont très sincères. Au moins, ils sont pris des fois d'angoisse. Ils me disent, subhanallah, ils me disent, ma femme, je rappelle, c'est avec toi, ma mère, tu sais, oui, quand elle est enceinte, tu vas voir, etc. Ils me disent, c'est catastrophique, mon frère. C'est la guerre à la maison. Elle marche par là, elle vomit, elle rentre dans une caisse proche, elle vomit, elle va de l'autre côté, elle dépose, et ben, subhanallah, ça c'est ta mère, et ben, c'est pas comme ça. Je vais te faire un peu moins toute la journée. On a passé la journée ensemble. Et puis alors, tu sais, qu'il faut comprendre, ouais, j'ai mal calculé, je crois que c'était assez tout ça, ça a été ta mère. Pendant des années comme ça. Des fois, elle voulait peut-être s'acheter quelque chose. Et tu l'entendais, mon père. Non, cette fois-ci, ce mois-ci, je ne prends pas de robe. Pourquoi? Il y a Abdullah qui a besoin d'un pantalon. Je ne prends pas de robe, il y a Fatima qui a besoin d'une tunique. Ou d'un gilet ou ceci ou cela. Il y a une délice. Jusqu'au jour où elle arrive à un certain âge, elle se fait « Abdullah, tu n'as pas dit haut. » On ne l'a pas demandé. On lui dit haut. Oh. Il est déjà mort pour le chat. Il est là sur une pêche pour lui. Je dois le répéter trois fois. Et des fois même, elle est gênée. Elle dit « Non, c'est pas je me suis trompé. » Là, c'est bon, j'ai trouvé. C'est le raccroche. Ça, c'est la mère qui nous appelle. Elle nous dit « C'est normal quand mon fils lui demande quelque chose. » Il commence à me parler de ses vacances. Il parle de sa voiture. Et des plus, il va changer, je ne sais pas. Pourquoi j'ai sorti cet exemple, mes chers? C'est pour qu'aujourd'hui, on ait des jeunes qui fonctionnent de la même manière. Et ce n'est pas honteux chez nous, ce n'est pas gênant. Comme ta mère s'est sacrifiée, parce que beaucoup de jeunes, spécialement, pensent dans leur tête qu'il n'y a que le père qui s'est sacrifié. Ça, c'est vrai. Le père de Inch'Allah, lorsqu'on parle des parents, c'est parce que j'ai commencé par la mère. Mais le père, il est à côté aussi. Parce qu'on a aussi ceux qui font les parents, qui sont que côté mère, et qui négligent le père en toi, le père, c'est les deux. On a bien dit. Mais les deux se sont sacrifiés. Ton père aussi, il y a eu des moments où on aurait voulu acheter un tas de choses. Comme toi, tu es un petit jeune. Et t'en viens de près d'une paire de Nike, même si elle fait 150 euros, le type, il fait une pompe par terre, il fait une promenade, il veut 150. Ton père, il y a eu aussi un petit moment dans sa jeunesse où il voulait faire certaines choses. Mais tu sais ce qu'il a fait? Il a quitté le pays. Il est venu creuser ici à moins 20. Tout ça pour que toi, tu grandisses d'une certaine manière. On ne verra jamais chez le père directement. C'est des plaisirs. On n'allait pas, on passe par le Wolda. Le Wolda, c'est moi qui suis en France, dans la salle de France, du Wolda. Et alors, elle a un peu de skinner, je lui dis, donne-moi trois jours. Et Wolda, il y a des fois que tu entends des cris d'ensemble. C'est-à-dire, la guerre a commencé. Et le père qui crie aussi. Tu les as cherchés, tu les as rendus pourris. C'est toi qui as foutu en l'air ses enfants. C'est comment ils connaissent des fois les hommes. Et c'est toi qui leur as fait. Ou tu as dit, j'ai jamais vu que toi et toi. Il se finit avec comme ça, jusqu'à ce qu'elle prend les 100, et bien je peux faire comme il dit. C'est vrai ou pas, les gars? Mais une fois que tu gonfles, il s'est un aléa, bah, un bah, un bah, il se tape. Voilà ce que je pense, c'est un jeune homme, il s'est un aléa, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde d'être une aléa, il se gonfle, il se croit quelque chose. Un bah, il croit, vous n'en vérifiez les mêmes pas, il pense que, Allah a un aléa, il croit qu'il arrivait, il n'a plus besoin des autres. Il s'est amené à l'Ibab, à l'Ibab, à l'Ibab. Ça, c'est vraiment comme mon génie, moi, être là. Celui-là qui est vraiment le pervers, le dégoûté. Celui-là, il croit qu'il n'a plus besoin de personne. Mais il y en a, subhanallah, sur terre, sans qu'il le remarque, sans qu'il le remarque. Ils ont tous ces petits détails. Et la preuve, les chefs-d'œuvre, vous pourrez me dire, mais il exagère celui-là. Je vous donne un simple exemple. Beaucoup de jeunes, par exemple, qui se marient. Regardez, écoutez-moi bien. Ils se marient, par exemple, le lundi. La génération de même, j'en parle. Hein. Mardi, il y a déjà la fin. C'est l'autre. Hein. Voyage de noces. On n'a pas connu ça. Hein. On prend des nids, on n'a pas connu ça. Maintenant, tous les jeunes peuvent se marier, ils partent de l'endroit, par exemple. Ils partent un mois. Donc, un mois, il n'a pas vu les parents. Fait, il appelle de temps en temps au téléphone. Et quand il devient sur un mois, vous savez très bien, quand je dois reprendre mon travail, je suis cadre, je vais pouvoir dimanche pour aller à l'église. Il y a des jeunes qui vont voir les parents, comme quand ils vont les autres à l'église. Tous les dimanches, il vient à 13h. Et il s'assied puis la garde. Ça va pas, ça va bien. Quelqu'un se montre, il top chrono. 10 000 piles. Allez, ah, c'est un malcoup, il doit partir. Et il est parti. Voilà. Enfin, on vous pose alors la question à ce moment-là. Eux, combien de points ils vont donner? Combien? Combien de points? Est-ce qu'on a calculé ça, chef? Est-ce qu'on calcule? Combien de temps ils vont donner? Des heures et des heures et des heures. Voilà pourquoi on vous dit qu'il y a une certaine subtilité dans l'histoire. Et voilà pourquoi on vous dit faites attention par rapport à cela. Aussi, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevait certains compagnons. Il y a un compagnon qui vient et il dit, gars, subhanallah, je voudrais partir faire le jihad de sa ville. Et il savait que les musulmans étaient attaqués par ceux de la Mecque. On est un peu la Sira. Il y avait tout le temps des attaques. Il fallait détruire Médine. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il y a toute une structure, un État dans l'État, ce qu'ils appellent. Il y a un État commencer ma chose. Rigoler des Belges non musulmans ou bien des Français. comprendre. Vous allez me comprendre. Qu'est-ce qu'on disait avant les cheveux? Ouais, regardez, regardez les musulmans. Regardez, ils ne respectent même pas leurs parents. Ils les voient qu'à la Noël. Elle vient là, on a toujours un petit gâteau qui est peut-être périmé, un truc là, qui est à 30%. Hein? Et il veut Noël. Et il s'amène comme ça. Et nous, on rigole, on dirait l'islam, tout le temps côté des parents. C'était peut-être certaines générations, les cheveux. Mais maintenant, je vous parle sérieux, parce que nous, travaillons dans le domaine, on est à l'intérieur de la communauté. Beaucoup de parents pleurent, on te dit, je ne vois plus mes gosses, ils viennent me rendre visite toutes les 2 semaines, 3 semaines. Et quand tu demandes des fois au frère ou à la sœur, il faut y mettre, c'est mieux qu'on soit à l'écart pour mieux se connaître, moi et mon mari. Vous savez, 40 ans, c'est un drôle d'âge. Tu prépares la vente. Avant 40, tu es... Vous savez, 40, c'est l'âge de la maturité chez vous. C'est le gros, le bonjour-là, tout ça. Avant 40 ans, subhanallah, tu es encore le petit jeune qui calcule toujours. Je veux pas 25, je veux 30, je veux 40 ans, je ne peux pas vous expliquer. Même moi, j'ai volé avant, quand j'étais jeune, et qu'on était une machine, une prof, et tout, et qu'il nous disait, avant, c'est la chef ma toi, 40, je vois pas. J'ai dit, voilà, mon chef. Quoi, 40 étapes, je me sens. Il dit, mais tu ne tues pas. Au moins, tu le sens, subhanallah. Et tu sens même parmi certaines choses. Des fois, tu as si, tu as envie d'un check-in, ta mère, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et tu te mets dans le bras et tu dis, même si elle est, tous les 10 jours, elle est dans l'état. Du moment qu'elle soit là 2 semaines, est-ce qu'il y a moyen? Demandez ça à vos parents. Soyez courageux des fois, vous asseoir avec vos parents, vous qui n'avez plus de grands-parents, et demandez-leur c'est quoi l'appel d'un père ou d'une mère. Demandez-leur. Demandez-leur quand ils remplissent le porte-bagage et qu'ils descendent au Maroc alors qu'il n'y a plus de père ou de mère, mais ils vont parce qu'il y a encore des tentes. Qu'est-ce qu'ils disent des fois les parents? Ils te disent, Wallah, je vais, je me tape 2800 km par exemple. Et tu sais pourquoi? Ils disent, j'ai amitié, j'ai ma tante, elle me fait rappeler qui? Qu'elle le ressent, qu'elle a, et il sait qu'elle va lui donner comme si c'était la mère. Elle attend comme si c'était son fils. Et tu trouves ton père, il se tape 2 jours de voiture à lui, là-bas, il dépose l'argent, il apporte et il fait, et toi, ils sont à côté de toi, soit, et ça prend à Allah, vous avez remarqué qu'on a commencé par lui. Vous savez pourquoi? Parce que la routine, sans religion, quand tu prends la routine et tu lui enlèves la religion, elle tue. Un point, c'est un jeu de mots, mais tu, même ceux qui sont autour de toi, tu ne les remarques même plus. C'est comme les amis, elles, ouais. Ils peuvent être tout le temps là, tu ne le remarques des fois même pas. Et le jour où un ou part d'entre eux, ah, tu sens le vide. Comme l'a dit le prophète sur la liste, 2 choses. Souvent, on se fait avoir, jusqu'au jour où on les a tous, c'est quoi? La sécha. Ouais, ben, la santé, elle fera le temps libre. Le jour où tu as une santé qui devient vraiment grave, à qui tu dis, subhanallah, quand j'avais la santé, j'aurais pu faire ça et ça et ça et ça. Eh bien, Satan, la anallah, c'est le souhait qui fait la plupart de nos jeunes. Quand leurs parents partent, meurent, Satan, il vient chez toi, il fait quoi? Tu as vu s'il y avait ta mère, tu aurais pu faire ceci et cela. Spécialement, par exemple, vous avez une qui est passée maintenant. Certains d'entre vous, vous avez fêté avec vos parents, c'est bon ou pas? Avec ta mère, elle est bonne. Tu as trouvé ta mère plus joyeuse et qui parlait. Les clichés, les takachis, les traduisants, pour quel moment, tout compensé, et ceux qui n'ont pas de mère, ils vont chez qui? Ils vont chez qui? Même s'ils vont chez la mère, c'est la même chose. Des fois, même, c'est bien de trouver une belle mère comme ta mère, Skina. Mais elle va réveiller en toi certaines choses, soit-il, si elle était là. S'il était là, mon père, ça aurait été de cette manière, on aurait coupé le bouton de cette manière, et on aurait fait, et voilà, si, ça va ramener quoi? Voilà le problème. Voilà le litige qu'on a. C'est pour ça que je voulais discuter avec vous aujourd'hui de ce côté social, pratique. Pas tout simplement de faire un place pour vous, citer plein de traditions. Ça, je sais, la plupart d'entre vous, on sait vivre à la maison. On des sites internet, on en cherche Google, hein, vous connaissez tous. Il met respect des parents de moi. Tu auras 500 hadiths, aucun problème. Non, moi, je veux que vous sortiez d'ici aujourd'hui avec ce qu'on appelle la réalité, puisque vous réfléchissez 2 minutes. Vous dites, tiens, c'est vrai, subhanallah, qu'est-ce que je fais moi avec mes parents? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai vraiment donné ou bien qu'est-ce qui manque à ce moment-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi montré que à l'inverse, celui qui ne s'occupe pas de ses parents comme il se doit, celui qui ne fonctionne pas avec eux comme il se doit, on appelle cela les jeunes ne sont peut-être pas habitués avec ce monde. Ça veut dire que c'est toute personne qui, subhanallah, commet des actes répréhensibles vis-à-vis de ses parents. Et un acte répréhensible, il y a les jeunes, ça peut être même un son. Petit son. Voilà, t'as pour la ma ouf-fine, voilà, t'as ma ouf-fine. Ah, tiens. Alors, c'est quoi les ouf-fines et t'as ma ouf-fine de 2011? C'est quoi? Il y a des jeunes qui font les malins. Bon, ouais, ça fait mal au cœur parce qu'il y a des jeunes, par exemple, des fois, en quartier, t'as bien l'appel par le balcon. Et puis, tu passes pas à côté, et puis t'entends le jeune qui fait les frères, fais pas ce crime. Fais pas ce bruit. Ouais. Ah, gosh, moi je vais faire. Si tu viens faire pfff. Oui, mais moi, il n'y a pas de mais. Vous voyez? Ça se voit. peux pas, tu dois t'entraîner. Tape dans des murs, descends dans la cave, tape dans les murs, fais ce que tu veux. Tu ne peux pas, même pas le son, les jeunes. Même pas. Alors il y a des jeunes qui jouent avec ça, je n'ai pas de profil. Hein. Je n'ai pas dit de lettres. Je n'ai pas prononcé de lettres. Les savants, alhamdoulilah, sont au courant de tous les petits sataniques. C'est-à-dire tous les petits malins qui jouent avec les mots et qui croient se jouer du Coran. Et il leur dit, ça entre dans toute la famille du rejet. C'est quoi le rejet? Bien, tu peux rejeter quelqu'un en disant non, je ne veux pas, en lui disant, comme ça, quelqu'un, tu fais comprendre à la personne, je ne veux pas. Eh bien, tout ce qui tourne autour de cette famille-là, je ne peux pas. Interdit. Et aujourd'hui, on a cela de toutes les manières. Vous savez quelle manière on a aujourd'hui? Et là, je crois que certains vont se retrouver dans ce que je vais dire. Parce que certains jeunes, ils ne vont pas très loin par rapport à ce qu'on appelle les nouveaux ou fins, mais contemporains d'aujourd'hui. Vous savez, les deux, par exemple. Ta mère qui t'appelle, sa soeur qui t'est organisée, oh pire, ce moment-là. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il y a des vrais, ils ont des petites options. Il appuie sur un bouton, puis ça fait tic-tic-tic-tic-tic. Non, mais on s'est laissé. Il n'y a pas de raison. Et là, pour la route, vas-y, explique ce qu'il veut. Et l'autre, qui est la vie, je l'ai eu, elle est pas en train de me faire. C'est une des mêmes extrémités. Même les. Ça, qu'il y a quelque chose. Donc, on voit que tu peux rejeter ta mère aujourd'hui, que ce soit même pas pour ton père, même par GSM. Il y en a plein qui le font. Il y en a même, subhanallah, qui savent que les parents les surveillent. Mais quand vos parents vous surveillent, c'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas. C'est leur manière de vous aimer. Parce qu'ils se mettent en mode autocontrôle. C'est comme ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez, chef. C'est comme ça. Même moi, quand j'étais jeune, je dis que mon père, par exemple, il savait que j'allais à la mosquée, par exemple. Je lui disais, je me voyais, je dis, oh, quoi, tu vas à la mosquée. Même comme ça. Au moment où je prends ma veste, tu vas à la mosquée, hein? Je dis, oui, je vais à la mosquée. Je mets les chaussures, tu vas à la mosquée, hein? Le tafsir de Kulaa'u Bilal Bilal. sort tout ce qu'il nous a dit, les chayatines, et on sait très bien que c'est des moments, subhanallah, où les magiciens, les sorcellers, toute cette maladie-là, vous connaissez, les sorciers ou ça arrange à faire un tas de choses. Donc là, ça c'est dans l'histoire, et ça avance. La même chose aujourd'hui, que ce soit dans nos cités ou à gauche à droite, des fois tu ne peux ne rien avoir dans une histoire. Et tu peux te retrouver dans un endroit, subhanallah, il peut avoir un problème. Mais ton père et ta mère qui sont là et qui vivent dans cet endroit-là, avant peut-être même ta naissance, et ils ont peur pour toi. Voilà pourquoi ils t'embêtent, toi, jeune. Même si tu as 25 ans et qu'ils te voient sortir. Parce qu'ils ne veulent pas qu'un seul poil de ton corps soit touché par quelque chose de mal. Ils ne veulent pas. Voilà pourquoi ils vous embêtent. Même maman, à notre âge, marié, divorce, moi, marié, depuis plus de 20 ans que je suis marié, même comme ça, le père veut l'appel. T'es où? Souvent, tu entends les gens, ils disent, comme tu as fait, on te fait, quand même, on te dit, on te donne. Il est vrai, il faut que tu le rappelles. et tu sors l'un des exemples qui a eu de certaines personnes. Comme on a bien vu ma chère qui raconte cette histoire, qui est très méritée même sur Internet. Qui un jour, il voit une personne, subhanallah, et ça, moi j'ai assisté dans un cours à Riyad, le subhanallah, le chef, il dit comme ça, il dit le gars, et vous l'avez peut-être déjà entendu sur YouTube et compagnie, il te dit le gars, il se retrouve dans le désert. Écoutez-moi bien, il se retrouve dans le désert. Et il voit, subhanallah, le père, il voit le père, ça qui va d'avoir appris un peu, j'ai oublié. Ah, d'accord, j'arrête à quelle heure? À quelle heure tu vas arrêter? Moins 4, très bien. Et 5 000 km. Et subhanallah, il arrive dans le désert. Et le chef nous raconte, il dit, le gars est sorti de la 4x4, il a pris un fusil. Pour abattre le père. Et le chef, il dit, subhanallah, le père a regardé le fils, il lui a dit, pourquoi tu lui fais ça? Il lui a dit, parce que ça c'est le dernier mois. Il lui a dit, parce que j'en ai marre, je ne sais pas m'occuper de toi. Et ma femme aussi, elle trouve que c'est beau à la maison. Et comme mes autres frères ne veulent pas te prendre, et etc., elle dit, moi, c'est le seul moyen que j'ai. Comme je suis désolé. C'est ça, auquel je perds ma femme, mes enfants, etc. Et le chef, il me dit, qu'est-ce que le père lui a dit? Il lui a dit, comme si on va dire dans le regard d'aujourd'hui, il a dit, t'inquiète, j'ai fait la même chose à mon père. Le garçon, maman, il savait ça. Le garçon, il ne savait même pas que son père a fait la même chose à son grand-père. Ils savent que le grand-père a disparu, mais personne n'avait su pourquoi. Et il vient de lui dire, comme c'est lui dit, t'inquiète, pour moi, j'ai fait la même chose à mon père. Et moi, dans mon métier, j'ai vu comme ça des cas. Où certains jeunes, on a marié, une trentaine d'années, ils viennent et ils pleurent dans le pays. Bon, là, ils pleurent. Que ce soit moi, mon collègue Moustapha Kastri, d'autres collègues, on est 3-4 dans le bureau, que ce soit du social, on a parce qu'ils pleurent. Et ils me disent comme ça, ils nous disent, Harry, je suis en train de payer tout ce que j'ai fait à mes parents. J'ai 3 enfants qui m'ont rendu. Un, il est déjà en prison, l'autre, il m'a fait, l'autre, il est cadavre. C'est très rapide. Voilà pourquoi on vous dit, va faire un coup. Évitez. C'est comme si on va dire que, pour nous, nos parents, sont en droit. Si jamais, et je crois que vous devez faire de ça, chacun qui le fait déjà, il ressent ça. Quand tu gagnes, subhanallah, l'estime de tes parents, tu sais qu'Allah, subhanallah, t'estime. Mais certains, même en pourrait nous dire, oui, mais grand frère, vous nous parlez de l'estime de nos parents. Mais il y a des fois des parents qui sont très durs. Et qui sont même méchants, ou bien il y a des parents, subhanallah, qui sont peut-être même parents, qui voient des choses alors qu'il n'y a pas, eh bien tu vas être déçu. Je ne serai jamais celui qui va te dire, ah là, t'as raison, tu peux le répondre, tu peux le faire, tu peux le faire. Quoi qu'il arrive, ce qui va se passer, c'est ça. Quoi qu'il arrive. Déjà, tu me dis, mon frère, j'en ai marre. Je fais des cadeaux à mon père, j'en ai marre. Je fais des cadeaux, et chaque fois que je rentre, il tire la tête, ou il crie. Je dis, alhamdoulilah, c'est ton génie. Allah, tu dois être fier. Maintenant, vous savez, bon, c'est bien les jeunes comme moi. Bien sûr, vous m'avez compris. Non, ma question. Donc, là, je t'ai compris. Mon père, c'était un pourri, tu frappes, tu sais, il fait tout. Toi, tu l'as mettre de des cadeaux et de l'argent, il est fier, c'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? Il dit oui. Il dit, continue, frère. C'est ça, mon fier. Parce que jamais, pour un savant, on va dire, ah, ton père, tu apportes un cadeau et il t'insulte. Écoutez, là. Il va te dire, un barrière. Jamais, au moins, dans ta vie, tu vas trouver un savant qui va dire ça. Jamais. Jamais. Vous savez, même s'ils vont te pousser à associer Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est le cas où tu ne vas pas obéir. Vous savez, là-bas, on n'obéit pas au créateur pour la. Hein? On n'obéit pas à une créature pour la désobéissance du créateur. Même comme ça, est-ce que tu vas les insulter ou quoi que ce soit? Tu vas tout simplement dire, je ne peux pas. Et ça, ça va. Et au mois de juin, on avait reçu la visite du cher Abdullah Bouddha. Vous connaissez, il était dans la ville qui va le lendemain en Arabie. Hein, pour certains jeunes, c'est le top du top. Et même comme ça, j'étais son traducteur, un jeune, écoutez-moi bien, converti. Il m'a dit, ah, cher, mon père, il boit. Il a accroché. Et il lui a dit, il m'oblige et c'est catastrophique à la maison, parce que le jeune, il vit encore à la maison. Regardez les savants comment ils prennent les fatahs à ce. Il lui dit, je vis encore à la maison, mais c'est catastrophique, mon père, il m'oblige. Et il lui dit, je fais le possible avec lui pour qu'il rentre en islam. Donc la chair, et j'en suis témoin, il lui dit comme ça. Il lui dit, si tu es dans un chemin de dawa avec lui, et que ta vie, tu n'as pas le choix parce que tu as la maison, sur lui va te mettre dans la rue, il lui explique. Il lui dit, je ne suis pas allé lui acheter. Regardez jusqu'où ils ont été. Certains grands acheteurs, dans les limites. Pourquoi? Chacun est différent. Chacun d'entre nous ne vit pas la même chose avec nos parents. Même si, subhanallah, ce gars-là, le père, il est etc. Deuxièmement, il est kafir. Est-ce qu'il y a un dame qui est pire que le prophète? Là, et vous savez. Donc, et il lui demande à lui apporter ici, le cher Abba, l'autre là, mais j'étais assis là, lui était là. Et il lui dit, tu vas, tu lui achètes. Les frérots qui étaient là, tous les frérots, tout le monde commence à regarder, étonné. Et puis il a remarqué, des spécialistes, en 70 ans, et dans la Tawa, et qui va lui dire, ça ne vous étonne? Il n'a, il peut aller. Regardez, vous pouvez savoir, bon, dans des cas extrêmes, par rapport, subhanallah, à ce contact enfant-parent. Et le dernier point, Inch'Allah, que j'espère que jamais, alors qu'aujourd'hui il existe, chez nos centres, on a été appelé par, subhanallah, une belge infirmière. Et je termine là-dessus. Je lui ai dit, on est le haut, un peu. Vous savez, le haut, on met les yeux. Il me dit, monsieur, je le fais, je ne suis pas obligé de le faire. Je vous donne 24 heures. On a une petite vieille qui est décédée. Et la belge, elle m'explique, elle dit, c'est une petite vieille. Toute belle. Il y a des tout en blanc, elle est petite maman, ça. Elle me dit, des jeunes maghrébins m'ont déposé en chaise roulante, ils ont démarré, ils sont partis. Pas de papier, rien, elle me dit, elle a parlé d'Alzheimer. Elle m'a dit, on a des collègues marocains qui essaient de parler avec toutes les langues, ils ne se rappellent de rien, ni son nom, ni l'adresse, ni rien du tout ce qu'il y a. Elle est restée dans l'eau pendant des années jusqu'à ce qu'elle est morte. Et c'est une belge kafirabilla qui m'a appelé au centre islamique en disant, écoutez, dans la loi, c'est vrai, chez nous dans la loi, si on ne trouve pas d'héritier personne, ils doivent incinérer le corps. C'est-à-dire, ils doivent enterrer de la manière dont on achète. Au subhanallah, m'a dit, monsieur, je l'ai vu tout le temps faire des prières, cette femme. Je lui ai dit, même si elle a Alzheimer, elle me dit, monsieur, moi je ne connais pas, mais j'ai demandé à mes collègues, je dis, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle descend, elle monte, elle descend. Il dit, ouais, ça c'est la prière, au subhanallah. Et au Mskina, avec le directeur, on a récolté de l'argent, puis hop, ils l'ont enterré. Qu'est-ce que je veux dire par là, chez eux? C'est qu'on a une sainte mort qui apparaît chez nous. Chez les jeunes de la troisième génération, des fois même la deuxième. Vous savez qu'est-ce qu'ils commencent à faire? À mettre certains parents dans les groupes. Ils discutent entre eux. Des fois, des frérots, ils discutent. Alhamdulillah, on a des parents, des chicanes. Parce que tu as des fois un d'entre eux qui a peur, ou une d'entre qui a peur, et nous a pu le sentir au bas, j'ai peur, mes frères et sœurs, ils disputent. Mon père a 85 ans, il a Alzheimer ou bien Parkinson, ils ont 10 ans, on marre. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'à ce âge-là, le père commence à baver, les dents commencent à tomber tout seul, il fait sur lui. Qui va s'occuper de lui? Monsieur Prada, Hugo Boss. Vous savez de quoi je parlais? Quand un petit pépé qui vient avec sa coupe de perruche, là, très grave, et qu'il voit son père qui bave, et qui lui fait un bédier, efface-moi le là. Le petit va venir à l'aise, il dit, on y va. Moi j'ai eu des témoignages, le type il fait, ouais, mon père il pue, monsieur, comment je vais faire? Il sent mauvais. À ce moment-là, on est à nous, ok. Il y a une vingtaine d'années, nos parents, on aurait imaginé, nous faisons la table qui travaille dans un centre, on n'aurait jamais imaginé ça chez nous. Et on rigolait de celle-là. Rappelez-vous le Walidé. C'est ce que disaient certains machins dans les Doros. Ils disaient, chouf le poufa, chouf le sala, regardez les musulmans, ils mettent leurs parents dans les eaux. C'est vraiment pas les jeunes, les anciens ici. Et on était là, on était gonflés, machallah. On a dit, il y a là chez nous, les choses. Et aujourd'hui, on commence à les jeter petit à petit. Il y a même des parents qui se font passer pour fous. Et ils me le disent, ils me disent, c'est ce que j'ai remarqué. Mes enfants, ils veulent me renvoyer absolument au Maroc. Chacun me dit, ouais, si tu veux, je te paye. Il y a des tu as 20 euros. Il paye 20 euros, il y a un mot qui part. Quand je demande aux jeunes, je dis au père, je lui donne un téléphone, mon fils, quand j'appelle, je dis c'est vrai que tu cherches un billet pour ton père, ah, à qui te l'a dit? Tu crois que ton père il est fou, il ne comprend plus. Après, quand je le tire à la discussion, des fois ils veulent pas répondre, je lui dis comment? Après, qu'est-ce qu'il t'avoue? Tu fais mon frère, je sais qui m'occuper de lui, je suis occupé de ses biens, de boulot, on n'aurait jamais imaginé ça, les chevaux. Alors, malgré tout, il y a une mise en garde très grave, vous l'avez remarqué, et je termine, faites attention, malgré tout, profitez de vos parents. Certains savants lui disent quand tu perds un père ou une mère, tu as une des clés ou bien une des portes du paradis qui se ferme. C'est-à-dire que tu as une occasion, subhanallah, de t'approcher du paradis qui se ferme. Et malgré tout, comme vous le savez, si vous êtes bien, vous êtes Dieu. Une des choses qui vont gagner vos parents lorsqu'ils vont mourir, qu'est-ce qu'ils vont laisser? Voilà, je m'en sors, allez, il y a le rôle à vous. Essayez, inch'Allah, de vous en pratiquer. On verra les questions juste après. Oui. Non, non. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. J'essaierai de répondre après ce que je sais. Quand je ne connais pas, donc si je n'ai pas répondu à une de vos questions, c'est que je n'ai pas la réponse. Wallahu ta'ala alam, comme vous le savez, c'est une responsabilité. Et je ne réponds que ce que j'ai entendu ou habitué, donc avec notre comité donc de prédicateurs au centre islamique, ou d'après ce qu'on a appris. Ici, le frère dit, donc ça en arabe, donc ça donne en français, que, chers frères, on a des jeunes qui sont avec nous ici, qui sont entrés dans l'islam, donc des frères, sœurs reconvertis, et ils ont peur de prévenir leurs parents. Comment donc essayer de leur faire comprendre qu'ils doivent, je pense que c'est l'idée du frère, qu'ils doivent prévenir leurs parents. Et à Shabab, il faut d'abord bien connaître le monde des convertis. Le monde des reconvertis, il faut bien le connaître. Moi je sais ce que c'est, j'ai une belle-mère qui est convertie. Donc je sais c'est quoi le monde des convertis. Mais que tu viennes toi chez un converti et tu lui imposes, tu lui dis, tu dois dire à tes parents que tu es musulman, tu ne sais pas ce que vivent certains reconvertis. Il y en a que dès qu'ils le disent, et chez nous au centre on en a eu plusieurs, dès qu'ils le disent, à la seconde les parents préparent le sac et les mettent dehors. À la seconde. On ne sait pas ce qu'ils subissent. C'est pour ça que je te conseille de discuter avec eux, si tu les connais, discute avec eux et vois vraiment... Et pousse-les, si jamais ces jeunes m'entendent, parce qu'ils me disent qu'ils sont dans la salle. Vous les jeunes, soyez aussi sincères. Si jamais tu sais que tes parents ils vont tout simplement être fâchés une heure ou deux, un jour ou deux, et puis ça passe. Au contraire, préviens-les. Comme ça, tu peux aussi commencer ta da'wah avec eux. Petit à petit, à les mettre à l'aise. Mais si jamais tu sens que ce n'est pas faisable pour l'instant, et que tu es sincère et que tu les connais mieux que n'importe qui, eh bien, tu peux retarder ça au fur et à mesure. Et nous au centre, et vous savez très bien, pas que chez nous au centre, que ce soit même ici ou bien même vous, en tant que musulman de souche, si demain un converti vient avec un sac et te dit « Voilà, j'ai fait ce que tu m'as dit mon frère, j'ai dit à ma mère et à mon père, ils m'ont mis dehors. As-tu un appartement pour moi ?» Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Qu'Allah t'aide mon frère. Ça sera sa première déception. Eh non, il faut être au courant de... Qu'est-ce qui se passe? Et on a eu des jeunes qui avant n'avaient pas qui posaient la question et se sont retrouvés dehors. Mais on s'est occupé de SDF convertis qui, quand ils nous ont raconté, on a retrouvé des fois la famille et des proches, c'est parce qu'ils avaient prévenu la famille. Et ils les ont mis dehors parce que c'est la honte dans le quartier et tout le reste. Et puis, subhanallah, hein, quand ils sont venus demander de l'aide, personne. Donc il faut faire attention par rapport à cela. Pouvez-vous dire deux mots sur le concept erroné de l'adolescence à nos jeunes? Certains pensent que c'est normal ou naturel de passer par une phase où l'on se rebelle face à nos parents. C'est pas que c'est naturel de se rebeller contre les parents, non. Mais c'est naturel et ça existe, alhamdoulilah. Sinul murahaqa, la période de l'adolescence, beaucoup de savants, mashallah, en parlent. Et c'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala a donné un bénéfice incroyable le jour du jugement dernier. On essaiera de le rappeler demain, Inch'Allah, lorsqu'il a donné l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura aucune autre ombre que celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui Shabun Nasha'a fi ibadatillah, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour nous, l'adolescence, au contraire, c'est un moment effectivement critique, parce qu'on a un tas de chamboulements, que ce soit garçons et filles, les hormones, les ceci, les cela, sans oublier ce qu'on voit à gauche, à droite, la fréquentation. Il y a un tas de choses qui gravitent autour de nous. On essaiera d'en parler demain, Inch'Allah. Mais donc, sachez que, là où le frère il a raison, on ne doit pas en profiter. De dire, ouais, mais c'est normal, j'ai 15 ans, c'est connu, quand on a 15 ans, on fait le fou, et il ne faut pas m'en vouloir. Non, ce n'est pas une théorie, ça, ce n'est pas une règle. Hein. T'attends le chrono, top chrono, 15, on y va. Non, c'est faux. Ça n'existe pas. Il y en a qui le font, il a raison, le frère là. Il y en a qui nous le disent, c'est notre métier. Tu dis, ouais, mon frère, moi je suis un adolescent, c'est bien, c'est pas facile. Non. Au contraire, je sais que c'est pas facile. C'est là que tu dois fournir un effort et doubler d'efforts. Donc on ne peut pas prendre cela comme habitude dans notre vie, mais au contraire, c'est pour ça qu'on vous dit à Shabab, acceptez alors les conseils sur la fréquentation par rapport au fait d'avoir des amis comme il se doit, comme l'a demandé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Faites votre possible, ardalikum. Écoutez aussi vos parents, écoutez les conseils, parce que c'est un moment qui est clé dans la vie de chacun d'entre nous. Aussi, vous remarquerez, je vais aller un petit peu rapidement, parce qu'il y a beaucoup de questions et le temps est serré un peu. Comment dois-je être, agir ou bien réagir avec mes parents, car ils ne veulent pas du tout que je me marie avec une sœur parce qu'elle n'est pas de la même ville. J'ai peur de les perdre car j'ai peur de mal réagir en essayant de les convaincre. Et la même question qui vient juste après, il y a même trois questions, subhanallah, qui sont les mêmes. Que dois-je faire ou bien faire si nos parents souhaitent nous marier à une personne que l'on ne veut pas et qu'ils insistent? Et la troisième dit aussi, et si je souhaite épouser une femme et que ma mère refuse, que puis-je faire? Je ne sais pas si il y a les questions des sœurs aussi ici ou pas. Non, Taïb, c'est dommage parce qu'elle aussi, elle participe à la conférence. Au cas, je dis bien au cas, si des sœurs ont des questions, elles peuvent jeter les petits papiers par le balcon et on remarquera des petits papiers sautillés à gauche à droite, au cas où. Mais elles ont aussi le droit de poser des questions, donc c'est important, c'est peut-être seulement on a un peu oublié ça. Si je souhaite épouser une femme et que ma mère refuse, que puis-je faire? Vous voyez, ça revient très souvent parce que ça touche les deux ici, garçons et filles. Ça, c'est un conseil alors qu'on donne à nos parents. Mais ils ne sont pas tous là, comme vous l'avez remarqué, ils ne sont pas tous là. Souvent, quand on sait qu'il y a conférence pour les jeunes ou autres, en général, donc il n'y a que la moitié qui vient. Et des fois, quand c'est des conférences en arabe, alors c'est les jeunes qui viennent. Pas normalement, on devrait avoir tout le monde. Parce que normalement, chez nous, dans la sunna, on ne peut pas obliger un garçon ou une fille de se marier avec la personne qu'elle ne veut pas. On ne peut pas. C'est pour ça qu'on a chez nous le muqabala, l'entrevue. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sahabi qui s'est marié du côté de l'Ansar, il lui a dit, est-ce que tu l'as vu? Il lui a dit, non, ya Rasulallah. Il lui a dit, retourne et regarde-la, voilà. Vois qu'est-ce qui peut t'attirer en elle et vois est-ce qu'elle peut être attirée par exemple en toi de certaines choses. Et la muqabala, l'entrevue, se fait avec un mahram, c'est-à-dire le père de la fille, pour commencer. Ou bien si lui donne procuration à quelqu'un, ou bien s'il est mort, on prend le mahram qui suit, le grand frère, et puis on passe aux oncles et ainsi de suite. Pas dans les parcs à gauche à droite ou sur internet. Ça, c'est pas une muqabala, ça. Faites attention. Ça, c'est les prémices de la fornication et vous savez à quoi ça mène. Et on en a vu des vertes et des pas mûres là-dessus. Et certains parents, ils savent pas que ce garçon qui va prendre cette fille, moi je vous ai dit, je m'occupe des divorces. 11 ans, du lundi au samedi, au bureau. Je viens d'arrêter il y a un mois. C'est pour ça que je suis rentré à l'enseignement, parce que j'étais déjà à l'enseignement avant, puis j'ai repris le bureau, puis j'ai requitté, je suis retourné. Donc faites le compte. 11 ans que j'ai des fois des jeunes qui viennent, qui me disent, voilà, je divorce, pourquoi? Et il le dit devant la fille, il lui dit, moi je ne te voulais pas, c'est ma mère qui m'a forcé. Je ne peux pas continuer à mentir, je ne te veux pas. Parce que le type, il en a une autre en tête. Et il y a des parents, qu'est-ce qu'ils font alors? Il dit au garçon, tu sais quoi, il ne faut pas me taper l'ombre, prends cette fille, après tire ton plan. Ça j'en ai eu, wallah, j'en ai eu au bureau comme ça, la mère elle me le dit, elle me dit, ouais, vous l'aidez, si tu veux que je fasse, c'est comme ça, hein, c'est tout, voilà, je l'ai marié, puis s'il ne veut pas, maintenant il est barrasso, hein. Pourquoi on joue de nos filles comme ça? Je ne peux pas. Moi j'ai 3 filles et 2 garçons. T'imagines le mécanat, il la prend parce que soi-disant, sa mère l'a obligé ou je ne sais pas quoi, puis il me la ramène un petit paquet cadeau là. Il n'y a aucun frère ici qui le voudrait pour sa sœur, c'est vrai ou pas? Donc on ne doit pas l'accepter pour nos filles. Nos filles ne sont pas des objets. On ne les force pas à se marier parce qu'on a un contrat avec un copain ou un cousin ou je ne sais qui. Ou là parce qu'on veut faire une société humanitaire, on veut amener tous les copains du bled. Ou là. Non. Ça, ce n'est pas le mariage, les chebab. Non, là, sincèrement, c'est des sujets qui ne sont pas tabous. Il ne faut pas tourner autour du pot dans ces sujets-là. Et là, on doit respecter nos parents, mais il faut parler avec sincérité, avec respect. Avec respect. Mais que ce soit le frère ou la sœur, il ne faut pas accepter. Ne va pas Allah faire t'engager dans une relation. Peut-être les anciens, ils ont eu le courage, ils savaient le faire. Ils ont tenu. Certains nous l'avouent, des parents qui sont âgés, et ils nous l'avouent, ils nous disent, oui, voilà, j'étais marié, je ne connaissais même pas. Même nos parents, que je vous parle, ne connaissaient pas la personne. Les anciens, que ce soit ma mère, la rahma, ou bien d'autres parmi vous ici, ils ont chacun leur vécu. Mon père me dit, voilà, il m'a montré, il m'a dit, c'est la fille de l'Hajj, là-bas. Va là-bas. On va voir c'est quoi là-bas. Jazakumullah, très bien. Hein ? là-bas, regardez la même chose. Comment convaincre, regardez, subhanallah, comment convaincre les parents de se marier jeunes? Tout le temps ce problème qui tourne, de se dire, hein? On a beaucoup de questions qui reviennent comme ça un peu partout dans les mosquées. Alors que le mariage est une ibadah, c'est un acte d'adoration. Dans surat al-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Regardez. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Il y a la signe de réflexion. Le mariage est un acte d'adoration. C'est deux personnes qui vont être comme un sakan, comme une genre d'habitation. Donc il va retrouver sa sérénité en allant vers l'autre. De cette manière, quelle sérénité on va avoir dans le couple? Il a créé aussi, il a mis entre vous le mawadda wa rahma. Ça veut dire la bonté, la clémence, l'amour. Comment on va retrouver ça quand il y a un mariage forcé? Donc directement le verset, là on l'a zappé directement. Allah aoun fini. Alors c'est un acte d'adoration, subhanallah. Et le garçon, qu'est-ce qu'il fait automatiquement? Après quelques mois, il va consommer, Allah aidé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comprendre à la somme, moi j'aime bien une autre. Allah aoun. Ou bien, comme font certains jeunes, ils disent, bah, tu sais quoi, t'as qu'à être ma deuxième épouse. Ça, c'est ce qui est nouveau depuis quelques années. Tu sais, c'est quoi ces jeux? Il faut faire attention. Mariage, on ne joue pas avec. C'est très clair, là, d'alikoum. Mais vous gardez le respect avec les parents, vous discutez, vous patientez, même s'ils vont s'énerver, vous avancez avec eux petit à petit. Mais ne vous jouez jamais d'une sœur ou d'un frère, si vous savez pertinemment bien que vous allez massacrer ce mariage. Ah, mais tu veux l'ajr et tu te dis non, moi, alhamdoulilah, même si j'aurais voulu peut-être un autre style, mais tu te dis pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la deuxième partie maintenant de la réponse que nos savants aussi, jazakumullah, donnent. Et ils te disent que si jamais, et ça je trouve qu'ils ont raison, les savants, vous savez pourquoi, d'une certaine manière, qu'on soit honnête, vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de nos jeunes, avant de parler aux parents, ils ont déjà trafiqué entre eux. Ils ont déjà discuté. Donc la fille est déjà dans le cœur. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas maintenant la deuxième partie que je vais donner. Vous savez ce qu'ils disent? Ils te disent, si tu veux plaire, alhamdoulilah, à Allah subhanahu wa ta'ala, et à tes parents, mashallah, il n'y a aucun problème, puisque toi tu choisis, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, idfar bidati din, taribat yadak. Choisis celle qui a la religion. Et tu auras fait donc le bon choix. Choisis celle qui a la religion. Et pour l'homme, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu. Al-Hadith, s'il vient à vous celui dont vous agréez la religion, le comportement, mariez-le. Et donc si normalement nous on le fait à la sunna, et on ne voit pas le gars, on ne traficote pas entre guillemets, et je viens à l'entrevue, je le vois, et qu'alhamdoulilah, mashallah, il est normal, il plaît, on l'a dit, bismillah, tout cas Allah. Et je suis, vous allez être étonné, mais c'était notre génération, un gros pourcent s'est marié comme ça. Moi j'ai jamais vu ma femme de ma vie. Nous on est encore, comme on dit, entre guillemets, traditionnalistes, alors qu'on est né ici, parce que je suis la deuxième génération, et nos parents en Belgique, c'est pas comme vous, vous êtes des immigrés très très anciens par rapport à la Belgique. Nous, ils sont venus les années 60, 70. Donc on est les premiers à être nés. Je suis né en 70 là-bas. Donc en Belgique, c'était ce qu'on appelle nous, on était la première génération qui est née. Mais on avait encore cette sunna là. C'était comme ça. Et on te dit, tu vois, le bint raïa, tu vois, bint nas, elle est bien, kada kada. Tu dis, alhamdoulilah, tu étais content, fier que tu as une fille, mashallah, qui pratique. Mais il y avait, vous mettez-vous à notre place, il n'y avait ni téléphone, il n'y avait rien. Et même si on aurait, on a appris le halal ou le haram. Pas de contact. Et après, on a fait l'entrevue, ça a été, il y avait din, il y a kada, Allah, on ne demandait rien. Il n'y a pas de complications comme aujourd'hui. Mais voilà pourquoi nos jeunes ne comprennent pas, c'est parce qu'ils ont des contacts avant. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas alors à mettre en pratique ce que l'on vient de dire. Donc si c'est écrit privé, ça veut dire que sûrement je dois lire ça à part, hein. Après, je vais essayer de comprendre. Est-ce que l'éducation d'une manière globale est une affaire de religion ou une affaire de la société? Entre guillemets, vous savez très bien, il ne faut pas tourner autour du pot, c'est les deux. L'éducation à la base, c'est tout à fait normal, c'est la religion. Ça, personne ne discute, on le sait. On est régi par la religion, alhamdoulilah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous savez très très bien que va, quoi qu'il arrive, va entrer un pourcentage de la société, que ce soit l'école, collège, lycée, l'université, la rue, ce que tu vois, c'est vrai ou pas? C'est-à-dire qu'il faut avoir un esprit qui va un peu plus loin, pas croire que la question elle paraît très simple et que la réponse paraît alors à la seconde religion. Naam, la religion, ça c'est tout à fait normal. Mais n'oubliez pas qu'on est imprégné par ce qui tourne autour. Et la preuve, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai dit il y a quelques minutes, nous a demandé de faire attention à la fréquentation. Et la fréquentation, c'est qui? C'est les gens qui sont dans la société, donc ils sont à l'intérieur de cette société. D'office, on est régi et on voit et on est touché par certaines choses donc qui nous touchent. Mais Allah yarda alaykoum, mais vous le savez, cela doit être présent dans notre éducation. C'est quoi? C'est le côté religieux. Voilà pourquoi les mosquées, nos parents, se battent pour avoir des écoles arabes. Vous savez comment on les appelle comme ça péjorativement, l'école arabe, l'école d'éducation islamique. Et il faut que nos jeunes, ils restent le plus longtemps possible et patients dans ces écoles-là. Il y a un bénéfice. Même si toi, quand tu es jeune, t'entends, et on en parlera demain, alhamdoulilah, c'est des sujets apparemment, vous voyez, de société, comment fonctionner sur Terre. Même si tu crois que c'est anodin, il y a un bien immense derrière. C'est très très important, l'ard alikoum. Les parents sont-ils autorisés à espionner leur enfant? Exemple, écouter les conversations téléphoniques derrière les portes. Chouf, si tu as un problème, celui qui a posé la question, par exemple, par rapport à cette situation-là, tu sais très bien que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, effectivement, wala tajassassou, il ne doit pas y avoir d'espionnage. Mais attention, et là certains ne vont pas être d'accord avec moi peut-être. Je te dirais, si tu n'as rien à te reprocher, et que tu es encore chez tes parents, tu es encore le petit jeune, pourquoi ça t'embête qu'ils t'espionnent? En quoi ça t'embête? Et de temps en temps, c'est bien de, quand tu sais, la preuve, tu sais qu'ils t'espionnent. Parle un peu plus haut. Oui, Abdullah, je t'écoute, je t'entends. Demain, on va aller au magasin à 13h. Na'am, ya Abdullah. Pourquoi tu rentres dans un film? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que tu vas ouvrir la porte en leur disant « A'oudhu billah, je voilà, t'as juste s'assoué, et vous êtes tout à fait à côté de... Hein? Mashi haram alaikum, c'est vous qui nous donnez l'exemple. Et il y a Kada, et tu... Non, tu sais très bien, je ne vais pas te dire ça. Et moi, je vais te dire une chose, wallah, et comprenez-moi, ya shabab. J'ai peut-être le... Vous avez en face de vous, moi, comme beaucoup d'entre vous, le père de famille, donc d'ici, hein, comme on dit, il y a d'Europe, le père de famille, et vous avez aussi celui qui a perdu une moitié de parents. Donc c'est pour ça que, subhanallah, je dis à nos jeunes, les gars, il n'y a rien à se reprocher. Il veut l'écouter, laisse-le écouter. Il y a même d'autres questions que j'ai déjà reçues. Mon père veut voir mon GSM. Il y a de quoi t'as peur, frérot? Donne-lui ton GSM. Il y a des jeunes, ils ont 50 codes. Les codes pour, pour les photos. Vous savez, ceux qui ont les iPhones. Code secret pour les photos, code secret pour les SMS, code secret pour le Safari, code secret pour les mails. On a une bombe, il a en main. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? De quoi t'as peur? Y a ma soeur, de quoi t'as peur? Quand tu te caches. Même nous, la plupart, beaucoup de frérots, c'est comme ça. Wallah, j'ai aucun code. Tous mes mails, ma femme connaît tous les codes par cœur. Wallah, tous les mails. Pourquoi je mets des codes? Parce que je vais au travail, des fois, ça arrive des collègues, alors c'est pour ça que j'ai des codes. Wallah, en dehors de ça, mon épouse, même mes enfants connaissent le code de mes mails, tout, de mon GSM. Qu'est-ce qu'il y a à cacher, les frères? Hein? Pourquoi vous rigolez comme ça? Parce qu'il y en a qui ont compris que le GSM, il est coupé en deux. Il y a un peu de religieux. Salam alaikum, frère. Et puis, il y a... On se voit tantôt, yak. C'est pour ça qu'il y a une partie où il y a un code et une partie qui est très light. Il y a une question qui a sauté là. Pouvez-vous la porter, s'il vous plaît? Donc faites attention. Il y a une question là par terre qui a sauté. Portez-la, Allah alaikum. Donc faites attention. Donc je vous dis, Anna, sincèrement, que ton père, il t'écoute ou pas, wallahi, on sait que c'est vrai, on n'espionne pas, et autres, mais quand ça vient comme ça des parents, c'est parce que, mashallah, ils veulent des fois s'assurer que tout va bien. C'est leur manière. Eh bien, l'ard alik, je te dirais, mets-les en confiance, l'ard alik. Mets-les en confiance. Par exemple, tu sais que ton père t'espionne, dis-lui, al-walid, wallahi, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Je sais que tu m'écoutes. C'est bien de le faire. Tu lui dis, je sais que tu m'écoutes, sache que, wallahi, tout va bien. J'ai pas de problème, al-walid. Et s'il y a quelque chose, je te demanderai service et autres. Alhamdoulilah, tu vas voir, il va se sentir un peu plus à l'aise. Et une sœur nous dit, mes parents sont en conflit. Ai-je le droit de prendre parti pour l'un d'eux? Jamais. Mais attention, voilà pourquoi je dis le mot jamais. Jamais venir et dire, c'est toi qui as tort et toi tu as raison. Mais d'être celui, et vous savez très bien que les savants ont dit que dans le domaine du mensonge, ah, vous allez dire, oula, où est-ce que tu es parti maintenant, frère? Dans le domaine du mensonge, on sait que pour réconcilier deux personnes, on peut mentir d'une certaine manière. Ça, oulala. On te dit alors, et spécialement ici les parents, quand il y a une histoire, apprends à rigoler avec les deux. Apprends à rigoler au moment même où, par exemple, ton père ou ta mère va venir, va dire, ah, t'as vu ta mère, t'as vu Kada. Puis tu regardes, tu dis, Kada, puis tu rigoles, tu souris, moi, mais bel terbar, comme on dit chez nous en dialecte. Fais le fou, ça gagne toujours. Et tu sors une petite blague, ou là quelque chose en disant, ah, Walid, si je suis avec toi, je perds 20 euros. Comment ça te perd 20 euros? Parce que ma mère me donne chaque semaine 20 euros. Si je vais avec ma mère, ah, ou toi tu vas peut-être. Et tu rigoles avec eux pour essayer de t'en sortir. Et puis après, ah, tu passes chez l'un, puis tu passes chez l'autre. Tu passes chez l'un en lui expliquant. Tiens, Walid, pourquoi tu me mets dans cette situation? Tu sais que je t'aime et j'aime ma mère. Et tous les deux, vous êtes au même niveau. Jamais je pourrais aller plus. Mais, Walid, ou bien si jamais c'est la mère, réfléchis un peu. Est-ce que tu trouves que c'est normal de faire telle et telle chose? Donc c'est bien de demander. Vous avez compris? Virgule, tu lui dis, mais est-ce que tu penses que c'est normal? Moi, ça m'arrive avec même, mon père s'est remarié, et des fois, ça arrive que, par exemple, ma belle-mère, donc la femme de mon père, vous savez, mon père, maintenant, il a 70 ans, chaque année, il retarde le pèlerinage de la femme de mon père, mesquine. Alors, je ne le cache pas, parce qu'on en rigole tous les jours. Eh bien, des fois, je viens leur rendre visite, comme ils sont âgés, ma belle-mère, dès qu'elle me voit arriver, pour elle, c'est le frais qui est arrivé. Ah, j'ai oublié, j'ai giglé, c'est le fait. Et mon père, il sait que c'est le mahkama qui va commencer, le tribunal va commencer, il me regarde. Il fait, Wallahi, bébek. Et je rigole avec lui, je leur dis, ah, coupez-moi en deux. Puis je leur dis, ah, je fais l'eau. Et des fois, pour rigoler, je me mets près de là. Et essayez de rigoler. Avec vos copains, vous rigolez tous. Pourquoi pas avec vos parents? Des fois, je mets exprès près de la porte, pour lui montrer que je vais arabe. Je fais l'eau, Wallah, que c'est toi qui as tort. Tu dois la prendre au hajj. Je fais que je pars. Satan, tu vas. Et c'est comme ça la vie, Ikhwan. Ne viens pas, tu t'assines, alhamdulillah, puis tu dis, anta, ma anta, ya, yuhar. Non. Je ne peux pas. Parce que tu vas te retrouver, vous savez, il y a la belle histoire avec. Il y a Abu Bakr, radiallahu anhu, vous vous rappelez qu'il passe et il trouve Aïcha, radiallahu anha, qui discute avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, Asim, il veut le prendre comme témoin pour une discussion, pour un avis. Et puis la voix va monter, Abu Bakr, radiallahu anhu, va donner un coup à Aïcha, radiallahu anha. Sahou lala. Et le prophète Asim a dit, c'est pas pour cela que je t'ai appelé, ya Abu Bakr. Qu'est-ce qui se passe? Il repart. Après, il revient et il le trouve en train de sourire entre eux. Il vous dit, comment vous m'avez fait entrer dans votre première situation là, où il y a eu cette fameuse ben, entrez-moi maintenant dans cette fameuse joie que vous venez donc d'avoir. Donc les parents, c'est très délicat. Et toujours trouver un autre moment pour parler en disant, Walid, là, je ne peux pas répondre, je ne connais pas tous les détails. Reviens le lendemain, demande, et ainsi de suite. L'avis le plus connu chez les savants, c'est que la circoncision, même pour un reconverti, est obligatoire. Ça, c'est l'avis le plus réputé. D'accord, donc pour le frère qui a demandé, c'est important pour lui, parce qu'il entend que converti. Et aussi, une sœur dit, salam, je suis arabe et je veux épouser un... Ah oui, ça c'est un gros problème en France. Sinon, en Belgique, alhamdoulilah, on a un petit pourcent. Mais ici, mashallah, c'est la fameuse question, je suis arabe et je veux épouser quelqu'un qui est noir de peau, mais mes parents ne veulent pas. Ah, sont nos frères africains. Nous, on n'a bien Bilal que dans les livres de la Sira, radiallahu anhu. Vous savez, quand on dit que Bilal, il faisait l'adhan, tout le monde, tous les maghrébins, les musulmans blancs, ils font tous... Allahu Akbar. Quand ils voient le messager, alors que le film, il n'a rien à voir, mais moi, quand ils voient Bilal avec les pierres, ahadun ahad, tout le monde, Allahu Akbar. Là, on aime tous les noirs. Tout le monde, il aime bien. Mais si jamais un noir, il vient demander ma fille... Ya Ghazil Barji. Alors là... Bilal, c'est une chose, radiallahu anhu. Amma-toi, mon frère, c'est autre chose. C'est la première chose que le prophète a combattu. Les races. La farqa bayna arabi wal ajami. Inna akramakum indallahi atqakum. Deux versets déjà directs. Ceux qui ont le niveau le plus élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont la piété. Amma qu'un frère, il vient chez toi qui est blanc, jaune ou vert. Alhamdulillah, si à la religion, si les familles s'entendent bien. C'est vrai, certains machers, par exemple, prenez le cas de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, il dit que des fois, ça peut arriver qu'à cause des coutumes qui peuvent être des fois tellement différentes, ça peut faire des fois certains problèmes. Mais on a remarqué qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui vivent ici, un gros pourcentage, ils ont des fois délaissé les coutumes. Mais attention, je l'avoue, je ne peux pas mentir dans des questions sociales comme celle-là. La réponse côté religieux, on l'a donnée. Mais la réalité, c'est vrai, il y a encore des fois des petits problèmes dans certaines coutumes. J'ai des fois des frères africains qui se plaignent, qui nous disent « Ma femme, elle est du côté, par exemple, du Rif. Et quand je lui dis « On doit faire telle chose », il dit « Non, chez nous, ça ne marche pas comme ça. » Et lui, alors, quand il doit faire des choses comme ça, fait l'aïd, et il dit « Chez nous, dans notre famille, c'est comme ça. » Donc, il faut être honnête. Lors de l'entrevue, il faut bien parler de ces sujets-là. Parce qu'il arrive que certains, ils se fassent après bloquer comme ça par les traditions et tout le reste. Aussi, donc, une sœur demande, est-ce qu'on peut aimer plus son père que sa mère? Non, non, Echeveb. Même si je peux vous comprendre, des fois, vous pouvez me dire, par exemple, c'est parce que ma mère fait plus de ceci ou fait plus de cela, et autres. Non, apprenez à aimer les deux. Ça, c'est. Je sais que vous allez me rajouter des virgules, mais mon père ceci ou bien ma mère kada. Mettez-les tous les deux sur le même pied, ta mère et ton père. Et s'il manque certaines petites choses, essaye de discuter, essaye de voir comment les combler, les garde tous les deux, parce qu'ils ne peuvent pas ressentir cela. Même chose comme j'ai vu dans une des questions, un des frères ou des sœurs ici se plaint, vous dit, ma mère est plus vers mes sœurs que vers moi, le garçon. Ça aussi, on ne peut pas en islam. Al-Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, il raconte que Bashir, donc son père, est venu un jour chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il voulait le prendre en témoin parce qu'il avait donné un cadeau à son frère à lui, le petit. Et le prophète Sassim lui a dit, est-ce que tu as donné la même chose à ton fils? Il lui a dit non, et je ne peux pas être témoin. Ils ne font pas de différence entre les enfants. La même chose pour nos parents et Shabab. C'est vrai, en privé, peut-être à l'intérieur, ça peut arriver que ton cœur va plus vers l'un que l'autre. Ça peut arriver. On ne va pas dire que tu es dans le mal. Mais on te dit, fais toujours ton possible pour que les deux soient au même pied. Comment faire quand notre belle-mère fait tout pour avoir aucun lien entre moi et elle? Toi, tu continues à faire ton possible. Ça, c'est une règle en or chez nous. Tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura toujours une issue. Donc avec ta belle-mère, continue toujours à être la musulmane sincère et qui avance avec toute sincérité. Et les anges y notent, alhamdoulilah, et Allah subhanahu wa ta'ala est témoin, et les choses s'arrangeront au fur et à mesure. Même si toi, au moment même, c'est un peu blessant, qu'Allah guide des fois nos belles-mères, nos beaux-parents et tout le monde. Mais des fois, c'est vrai, ça peut être donc vexant et blessant de vouloir faire du bien vis-à-vis de sa belle-mère et qu'elle, elle ne te le remet pas. N'oublie pas, ce n'est pas entre guillemets ta mère, mais l'islam l'a mis au même niveau que ta mère. Mais elle ne t'a pas éduqué, elle ne t'a pas... Donc il se peut que Mskina, là aussi, son caractère. Soyez indulgent, l'ard alikoum et shabab, vis-à-vis des personnes âgées, ceux qui sont plus âgés que vous. C'est pour ça que l'islam et le prophète nous a imposé de respecter nos parents et il nous a aussi imposé de respecter le plus grand. La semaine, ça sera qui? Mais que voulez-vous? Si même eux, ils réagissent comme ça, hein, la crainte, la peur avec ce qu'ils voient dans les médias, des fois, c'est que nos parents réagissent de cette manière, pas parce qu'ils sont contre la sunna. Certains, oui, ça arrive. Wallah, certains, c'est parce qu'ils pensent que trop de pratique tue la pratique. Alors, ils te disent, il ne faut pas pratiquer. Ça arrive. Allahu alam, je ne connais pas tes parents. Mais d'autres, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas ta barbe ou ta sunna ou bien le fait que tu viens à la mosquée. Mais ils ont peur, ils croient que tu vas rentrer peut-être dans une secte ou tu vas rentrer dans un groupe. Et puis ils ont peur parce que dans leur tête, ils se disent, il a changé, il est passé au grade 2, grade 2, 4, après 4, il y a 6. 6, il est foutu. Donc dans leur tête, il va toujours trop loin. Enfin, essaye-toi de leur rapporter, subhanallah, un peu de sérénité. Mets-les à l'aise, embrasse la tête. Non, al-walida, Allah, il n'y a rien. Si je vais, au contraire, al-walida, tu veux un conseil, viens avec moi, yallah. Viens écouter la conférence. Al-walid, viens aussi écouter. Ou bien tu enregistres la conférence, tu le ramènes quand même après. Tu dis, écoute al-walida, voilà de quoi est-ce qu'on parlait. Parce que des fois, ils ont peur, ils croient que... Vous savez ce qu'ils se disent? Ils se disent, le gars, il n'avait pas de barbe. Il vient à la mosquée. Après 3 semaines, il revient avec une barbe. Avant, il mettait un training Adidas. Maintenant, il vient avec un Khamis. Avant, il mettait une casquette Nike. Maintenant, il a mis un petit chapeau blanc plein de trous. Niveau. La preuve, t'as vu, je ne sais pas de baratiner plus. J'ai des parents qui vivent seuls. Ma femme ne veut pas qu'on vive avec eux. Dois-je passer le restant de ma vie avec eux, sachant qu'ils sont durs, je suis pas d'accord avec elle. Ça, c'est dans les conflits conjugaux qu'on a eu au centre, on a eu beaucoup de conflits sur le fait d'habiter avec les parents. C'est vrai que certains machers maintenant, ils n'arrêtent pas de le dire. S'il vous plaît, normalement, c'est un bien d'avoir ses parents qui sont à côté de nous. Mais il faut être honnête, est-ce qu'on a les maisons qui sont adéquates pour ça? Est-ce qu'on a une certaine intimité? Est-ce qu'on arrive à avoir de la place? Est-ce qu'on est prêt, nous les jeunes, de sortir, par exemple, du centre de Paris ou de Courcouronnes pour aller peut-être vivre à 20 km côté campagne et de louer, par exemple, toute une maison? Vous voyez ce que je veux dire? On ne bouge pas, on ne cherche pas des fois certaines choses. Spécialement le frère, par exemple, tu dis, voilà, des parents, ils sont très vieux. On sait très bien qu'on soit honnête. Ya Shabab, ya Shabab. Mettez-vous à la place de ce frère, ya la sœur. Qui va s'occuper de ses parents? Spécialement si c'est un fils unique. S'il y a d'autres frères, eh bien je vous conseille par exemple, faites ce qu'on appelle une plaque tournante là. Faites une tournante. Voilà, on partage. Lundi, mardi par exemple chez vous, mercredi, jeudi chez tel frère. Alors, je vous le dis, alhamdoulilah, derrière un mal, il y a un bien. Je vous dis, moi, c'est pour ça que je vois ça d'une autre manière. Je me dis, le jour où vous allez les perdre, vous allez voir c'est quoi, subhanallah, d'avoir ce vide. Faites chacun à son tour. Ou bien, alhamdoulilah, si jamais vous sentez que vous allez arriver presque à un divorce, parce qu'il ne faut pas maintenant vouloir à la sœur, hein, parce que certains pourraient se dire maintenant la seconde, subhanallah, regarde cette fille comment elle est, a'udoubillah, ça c'est une sœur musulmane. Non, elle au moins elle est honnête. Et elle dit, voilà, de la manière, parce que vous n'êtes pas au courant de tous les détails. Il se peut que cette sœur, si elle va venir faire un témoignage, va vous dire, mais excusez-moi, on n'a que 2 pièces cuisine, j'ai même pas d'intimité avec mon mari, et on sait très bien que le côté intime, c'est un haq qu'il y a lorsqu'on se marie. C'est un droit qu'on a. Et des fois, il arrive que, subhanallah, la personne peut être aussi honnête et te dit, moi, je n'ai pas la force de supporter peut-être les railleries ou bien les rabaissements ou certains mots que la mère va me faire. Parce que j'ai eu des cas où j'ai eu des mères qui, c'est vrai, insultent la belle-fille. Subhanallah, tout le respect que je vous dois chez nous les Maghrébins, vous savez, des fois le mot an, anes, hamara, comme on dit. Combien de fois j'ai eu ça au bureau? La sœur, elle vient, elle me dit, Anas, c'est tout, stop, wallah, je vais divorcer. Allah. Sa mère m'appelle toujours Anes. Je fais mal à un petit truc, al-kada. Voilà, donc il faut écouter un peu le pourquoi, le comment, et que le frère Lardale, il ne s'énerve pas, parce que des fois, il peut arriver qu'il y a une raison valable, et pour aller plus vite, Inch'Allah, on va clôturer les questions. Lardale, qu'on ne faut plus en envoyer, on va terminer les quelques-unes qui restent. Il n'y a qu'un seul bourgeois, on termine à Arado, puis comment faire quand ma belle-mère ne veut pas, elle ne veut avoir aucun lien avec moi, m'ignore, vous savez, ça on a déjà répondu, alhamdoulilah, j'ai une fille qui souhaite épouser un homme qui m'a manqué de respect, et non, et mon cœur ne peut l'accepter. Mais j'essaie de faire semblant pour le bien de ma fille. Si elle l'épouse, ce type, je ne veux pas aller chez eux, j'ai besoin de conseils. Chère sœur, tout d'abord, vous avez tout à fait raison, d'une certaine manière. Un garçon qui manque respect à ce qu'on appelle sa future belle-mère ou sa belle-mère, n'est pas digne d'être un beau-fils. Il ne faut pas tourner autour du pot, parce qu'il rentre dans le hadith qu'on a cité. « Iza atakum an tardawna dinahu wa khuluqahu » Al-khuluq, le comportement fait partie intégrante de la religion chez nous. Donc un beau-fils, jamais de la vie, écoutez-moi bien, jamais de la vie, il lèvera la voix sur sa belle-mère. Jamais de la vie. Ça n'existe pas chez nous, l'islam. Même si elle te rabaisse, tout ce que tu veux. Parle avec politesse, kada et autres, passe par des intermédiaires, jamais ne rabaisse ta belle-mère ou ton beau-père. Et même une belle-fille, on n'insulte pas les beaux-parents. Tu n'as aucune excuse dès que tu insultes. Mais je te dirais, chère sœur, Allah Ardalek, il se peut que ce garçon, peut-être, est prêt aussi à se repentir, à s'excuser, à tourner la page. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné le paradis. Et il a donné un bénéfice immense. À qui? Al-Kadhimina, Al-Ghaid, ceux qui retiennent leur colère. Wal-Afina al-Nas, ceux qui pardonnent, Yashabab. Sahoulala, ceux qui pardonnent. Je sais que c'est vexant au moment même, je sais que c'est blessant. Mais même si, par exemple, si cette fille est là aussi, qui est présente, elle doit faire la remarque à son mari. Mais je ne peux pas juger le mari parce que je ne sais pas ce qu'il a fait. Et même s'il est en droit, je lui dirais quand même, tu n'avais pas le droit d'insulter ou manquer de respect. Parce qu'il se peut qu'il va me dire, monsieur, vous jugez là, vous ne m'avez pas entendu. C'est vrai, on doit toujours écouter les deux quand on juge, quand on donne un avis. Mais dans cette question, c'est ça qui est beau chez tous les juges, c'est que quoi qu'il arrive, aucun juge musulman va dire, ouais, tu avais raison de l'insulter ou de personne. Même s'il va te donner raison pour l'erreur qu'elle a fait cette femme, mais jamais pour l'insulter ou la rabaisser. Donc je te dirais, chère mère, si tu es la présente, Allah Erdalik, tu es plus âgé qu'eux, tu es plus mature qu'eux. Essaye, Allah Erdalik, de les regrouper un jour et de lui dire clairement, j'ai oublié, qu'est-ce qui se passe? Et renouer, Allah Erdalik, renouer. On a peur, nous, dans notre métier, on voit que des cassures dans les familles, c'est pas bien. C'est pas bien, on doit revenir, alhamdulillah. Sauf s'il ne veut pas revenir, c'est que ce gars-là, il n'y a aucun bien en lui. Ce qui m'étonnerait, Inch'Allah, bidnillah. Salam, nos parents ont-ils le droit de nous marier de force? On a répondu à nos cousins. Non, en islam, on ne peut pas. Et c'est pour ça que certaines autres communautés non musulmanes, wallah, ils rabaissent notre religion avec ça. Parce qu'ils nous disent, vous dites toujours que chez vous, c'est haram, haram, mais vous nous montrez le contraire. Et c'est la vérité dans beaucoup de cas. Mais alhamdulillah, les autres cas qui sont mariés, comme il faut, on n'en parle pas. Il faut que nos jeunes, Inch'Allah, continuent à en parler. Mon père musulman ne prie plus, consomme de l'alcool, la nourriture haram. Est-ce qu'il a toujours le tutorat sur moi? Ya Ortil Karima, enlever la tutelle d'un père, il n'y a qu'un juge musulman qui peut le faire. Ou bien, si jamais une mosquée a un cheikh, mashallah, qui a sa réputation et son respect. Normalement, le mashaykh en arabie, pourquoi je dis le mot arabie, entre guillemets, ou bien marocain, parce que chez nous au centre, la bi'ata qui vient, qui nous donne cours, ou bien qui dans l'institut, ou bien qui nous aide pour les fatawas, on en a trois. Il y a celle du Maroc, celle d'Égypte et celle d'Arabie. Et chaque fois quand on a cette question-là, ils nous disent il n'y a qu'un juge musulman qui peut enlever la tutelle d'un père. Ou bien, mais ça on a remarqué dans nos pays, spécialement ici en Europe, les Maghrébins ne sont pas unis. Qu'on soit honnête les gars. Parce que vous savez ce qu'ils nous disent, je donne un simple exemple, wallahi. Ils nous disent, ah, regardez, ils sont très naïfs. Ils nous disent à la seconde, et j'en ai parlé avec Cheikh Abdallah al-Mutlaq et d'autres, qui étaient avec lui, Cheikh Abdallah ibn Mani', ils nous disent, eh ben, antum, regarde qu'est-ce qu'ils disent. Wallahi, ils disent, antum, mashallah. Vous, les centres islamiques, les prédicateurs, je dis, Cheikh, moi, si j'enlève le tutorat d'un père, il va me débattre demain. Parce qu'on n'a pas un jugement musulman ici. Le père, il va venir avec sa bande. Mais la preuve, et vous le savez, si un juge non musulman va enlever la tutelle, est-ce qu'on va venir avec la bande chez le juge? Jamais de la vie. Ah, le problème, où est-ce qu'on est? Donc c'est pour ça que nous, par exemple, je parle en Belgique, il n'y a aucun, il y a eu un seul qui l'a fait, maintenant il est en prison pour d'autres problèmes, un seul imam qui l'avait fait, mais aussi dans tous les autres imams, personne n'ose entrer dans ce sujet que la sœur a demandé, d'enlever la tutelle d'un père parce qu'il ne prie pas ou il boit. Il faut dans les questions comme ça sociales, il faut être clair et net et savoir ce qui se passe dans la communauté avant de doser comme imam, dire à une fille, pas de problème, vas-y, marie-toi, le père y boit, ouais, à l'aise, on y va. Là, il faut toute une structure derrière pour savoir ce qu'il en est et comment. Donc je te dirais, Allah, chère sœur, essaye de voir la famille qui vient lui parler, des oncles, un grand-oncle qui va essayer de demander au père la procuration, ça c'est halal en islam, que ton oncle demande à ton père qu'il lui donne procuration pour te marier. Il y a des moyens de... Et donc on a fini, reste 2-3 ici. La sœur, elle dit, je porte le jilbab, on m'insulte souvent de Batman, le pire souvent par des musulmans, et même par ma propre famille. Alhamdulillah. Wallah, tu dois être fier. Chaque Batman va te rapporter des millions de hasanat. Wallah. Tu sais que quelqu'un qui rigole de la sunna, Allah fadra, c'est catastrophique. Eh bien, toi, au plus on dit Batman, au plus tu leur dis Allah yahdikoum. Réponds pas à Spiderman ou bien Kada ou là, non, non. Réponds-leur par Allah yahdikoum. Fais une invocation pour eux. Et là, même nous, hein, des fois, on entend plein comme ça parce que tu passes avec un qamis, ouais, ça va ta robe, ouais, ça va Kada, ouais, c'est comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été insulté, rabaissé. Alhamdulillah, ça c'est la vie du musulman, des fois, vis-à-vis de certains qui ne connaissent pas, sont peut-être un peu ignorants. Au contraire, soyez doux. Allah, c'est pas facile, mais alhamdulillah, je prends j'ai son nom de famille, la ilaha illallah, le sahabi al-Bajali radiallahu anhu, al-Bajali, j'ai oublié son prénom, la ilaha illallah, parce qu'il me voit maintenant à la seconde, maintenant que tu as posé cette question. Il disait, il n'y a pas une personne que je détestais le plus. Il dit, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je le détestais. Mais il dit, à chaque fois qu'il passait devant moi, il me souriait. Tu vois, subhanallah. Al-Bajali radiallahu anhu, vous avez compris, donc il s'est converti après. Il dit, je le détestais, je ne pouvais pas le sentir. Mais il dit, subhanallah, chaque fois qu'il passait, il me sourit. Il dit, le jour où je me suis converti, je lui ai dit, ya Rasulallah, je fais la bay'a, que je ferai le nosh pour tout croyant. Je serai sincère et je conseillerai tout croyant. C'est-à-dire, je continuerai moi aussi à faire comme tu m'as fait. Je sourirai même à quelqu'un qui n'aime pas l'islam, parce que ça a marché sur moi. Je détestais l'islam, tu as continué à me sourire et autres. Voilà, alhamdoulilah, ce que ça a donné. Voilà, laisse les gens parler. Une parole, ça tue pas, laisse Batman, Superman, tout ce que tu veux, khalil, c'est pas un problème. Wallahi. Jazakumullah. Alors, comment demander à un enfant de respecter ses parents, sachant que nous sommes dans une époque où les frères et mères travaillent et l'éducation de l'enfant est délaissée. L'enfant, là où il a le plus besoin de ses parents, c'est durant sa jeunesse. Donc, s'il y a une bonne éducation, il y aura un bon respect. Naam, c'est vrai qu'il faut un juste milieu. L'islam n'a pas interdit à l'homme et à la femme de travailler. Dans les règles et autres, comme vous le savez, mais c'est vrai qu'il faut un juste milieu. Et ce qui est étonnant, subhanallah, c'est que même les non-musulmans, je parle chez nous en Belgique, je ne sais pas chez vous en France, les hommes commencent à demander des congés de paternité. Même ici, subhanallah, regardez la sunna d'Allah sur terre. Des hommes non-musulmans, ils demandent congé de paternité. Quand ils font des interviews, qu'est-ce qu'ils disent? Je veux être proche de mon enfant durant ses meilleures années. Subhanallah. Que pense alors du musulman? Ça? Donc il faut trouver un juste milieu. Voilà, chère sœur, par exemple, tu as fait des études pour pouvoir aussi travailler. Tu as un enfant, fais alors un mi-temps, fais une pause carrière aussi. Spécialement les premières années, vous savez très bien que c'est un apport, subhanallah, incroyable. Les pédopsychiatres, ils en parlent. Lisez un peu tout ce qui est psychologie infantile, vous allez voir, c'est étonnant. L'enfant est une éponge. Chez nous en Belgique, ils sont en train d'essayer de voter une loi pour que l'école soit obligatoire à 2 ans et demi, alors que pour l'instant, elle est à 6 ans. Vous savez pourquoi? Parce que tous les spécialistes de l'enfant vous disent que entre 2 ans et demi et 6 ans, c'est une éponge. Voilà pourquoi certains de nos machères, quand vous allez lire les biographies, qu'est-ce que vous trouvez? Connaissaient le Coran par cœur à 6 ans. Aujourd'hui, ça nous étonne, hein? Aujourd'hui, manga à 6 ans, Dragon Ball Z, ça c'est à 7 ans. Anam, tous les trucs tordus. Ça prouve que l'enfant, il emmagasine. Tu lui fais écouter 3 fois une publicité, il te la récite direct. À l'école, lui apprendre ses poèmes tordus, tu t'imagines des poèmes qui ont ni tête ni queue, hein, tordus. Et le type, il te récite 2 pages. À l'école arabe, on l'a vu tout à l'heure, je suis rentré visiter une des classes, Allah hafdoum, la professeure à la seconde, elle leur a dit, qui est prêt, j'étais avec Sylvie, qui est prêt à nous faire un petit hiwar comme ça. 3 sont levés, 3 élèves, ouais, voilà, poser des questions, tant de réponses et tout, ça m'a comme ils sont assis. Tabarakallah, des éponges. Donc on a tous les outils entre nos mains. C'est nous qui n'avons pas étudié tout cela. C'est pour ça qu'on doit voir dans notre communauté des spécialistes de l'éducation. On doit les écouter aussi. Et on doit prendre aussi leurs remarques et mettre en pratique. Et ici, si mon père ne fait pas la prière et il respecte quand même, il fait le ramadan. J'essaie de le convaincre, il ne veut pas. Que dois-je faire? Continuer avec lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous dit « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. » Tu ne vas pas guider celui que tu aimes. Mais s'il veut la guidance, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrira la porte de la guidance. Donc continue avec ton père et invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui dans tes prières. Parle-lui. Des fois, mets un petit CD quand tu sais qu'il est assis sur le fauteuil un peu couché. Mets un petit CD exprès pour qu'il entende. Des fois, tu rentres dans la voiture avec lui, tu sais qu'il ne met rien. Mets un petit CD. Eh, pas rien d'écouter une fois. Mais va pas directement chez lui en lui mettant « L'enfer t'attend ». Ah, parce qu'il y a fiqh da'wa aussi. Il y a la jurisprudence, la prédication. Il y a des jeunes, ils se trompent. L'enfer t'attend. Il donne ça à son frère. C'est en là que ton frère, Shaitan, il vient, je lui dis, t'as vu, il t'a jamais en enfer, ce tordu. Lui, il est déjà au paradis. Il dégage là, il parle plus. Non, mais lui, apporte-lui un petit livre ou bien un petit cadeau, là, un CD sur le paradis, les bienfaits, les kadas. C'est ce qu'on appelle le tarhib et le tarhib. C'est le système qu'on trouve même dans le Coran et dans la Sunna. Comment attirer, comment aussi faire peur au même moment. Toujours les deux vont ensemble. On ne peut pas que faire peur aux gens. On ne peut pas que parler négativement. C'est pas bon. Les gens, à ce moment-là, ils relâchent. Mais on a toujours ces deux systèmes lorsqu'on attire les gens autour de nous. Et donc ici, si on va retraduire ça, il dit que faire lorsqu'on voudrait faire le pèlerinage, alors qu'un de nos parents n'a pas fait le pèlerinage parce que au bled il y a la Qur'a, c'est vrai, donc chez nous au bled par exemple au Maroc on fait les tirages au sort pour permettre aux gens au fur et à mesure de pouvoir y aller. Akhil Karim, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité les choses. Lorsqu'il a parlé du pèlerinage, il a dit l'iman istata'a ilayhi sabila, celui qui a la possibilité. Enfin, si par exemple, je donne un simple exemple, nous on a des frères qui sont de Belgique, je ne connais pas vos lois ici en France, par exemple chez nous en Belgique, quand le fils a la nationalité belge, il a le droit de faire venir ses parents. Cette année, ils sont en train de bloquer cette loi. Parce que c'est exponentiel, les mathématiciens. Ils ont remarqué que un maghrébin est égal à 22 maghrébins. C'est un drôle de calcul, c'est comme ça. Ils ont remarqué qu'au début, il est seul, et puis c'est drôle. Papa, maman, les frères, les sœurs. Et là, maintenant, chez nous en Belgique, il y a un mois, la loi a été votée. Rapatriement familial ne se fera que si tu as une grande, entre guillemets, maison, autant d'entrées. Peut-être en France, Allah sait comment ça se passe. Mais, par exemple, j'ai des amis, nous, en Belgique, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient venir les parents avec le visa et ils partaient de Belgique. Et ils faisaient le hajj, par exemple, de Belgique, par exemple. Mais s'ils rentrent, ils ne peuvent pas et qu'ils ont une excuse, enfin, tes parents, alhamdoulilah, ils ont une excuse auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas vous en faire de ce côté-là. Et on a déjà eu ces questions parce que l'histoire de la Qur'an elle vient souvent chez nous. Parce que vous savez très bien, en Belgique, on a beaucoup de Marocains et Turcs. Donc on est habitué avec cette question-là. Les jeunes, ils pensent que leur hajj n'est pas valable parce qu'il a été avant son père. Non. Ton hajj est valable, il n'y a aucun problème. Mais si tu peux, par exemple, les faire venir et qu'il y a les moyens, alhamdoulilah, paye-leur le hajj aussi. Un frère veut me demander ma main, il tient beaucoup à moi, mais depuis que je fais souvent salat istikhara, j'ai des doutes et j'ai peur de l'épouser. Pourtant, il est bon, je ne comprends pas. Je suis père d'une famille, n'ont pas le même mode de vie. Il faut savoir que l'istikhara, comme on dit nos savants, ça est la prière de consultation. Ils disent tu dois commencer le projet. Commence le projet. Fais l'entrevue, fais les démarches, et puis si tu vois qu'il y a des blocages et ainsi de suite, là seulement tu peux commencer à te dire tiens, kada, mais pas sur comme ça un doute. Parce que des fois il y a des doutes qui viennent comme ça au début parce que c'est un stress aussi. Se marier, c'est pas facile. Ça vient pas comme ça à la seconde, on l'a dit. Donc il faut, ce genre de questions, il faut plus expliquer dans les détails. La personne doit appeler, c'est bien qu'elle appelle un centre ou qu'elle voit un des imams ici et qu'elle en discute. Parce qu'on vous dit ne vous basez pas comme ça sur un doute qui vient tout simplement. Faites d'abord les entrevues, discutez, voyez si c'est faisable. Et dernière, voilà, ça on l'a vu. Ma mère est dans le haram, associante, ai-je le droit de prendre mes distances avec elle? C'est l'inverse, Yaorti. C'est l'inverse. Tu dois revenir vers ta mère. Apprenez cette théorie, que ce soit avec nos frères et sœurs. que ça soit avec nos amis, que ça soit avec nos parents, quand tu as quelqu'un, subhanallah, qui tombe dans un acte qui est rejeté par Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète Asim, il faisait souvent la remarque qu'il faisait aux compagnons quand des fois il se fâchait sur un, à cause, vous rappelez le hadith, à cause celui-là qui buvait tout le temps. Ne soyez pas une aide avec Satan contre votre frère. Et Satan, il aime les brebis galeuses, ceux qui sont seuls. Faut pas les lâcher. Ta mère, de temps en temps, essaie de lui expliquer, de dire « Al-Walidat, c'est bien que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide. » Parce que des fois, certaines, c'est ce qu'ils ont appris pour certaines. C'est ce qu'ils ont appris. Et pour enlever 50 ans là, de manière de penser, ça prend pas seulement une année, deux ans, trois ans. Ne prends jamais de distance avec ta mère. Barda alaikum. Ne le faites jamais. C'est tout. Et ici, ça fait comme ça, on est juste avec tout le monde. Ça va que mes parents veulent me marier, excusez-moi du terme, avec un blédard. Non, il ne faut plus dire blédard. Un blédard, c'est un musulman. Ça, c'est que je plains les blédards. On dirait que c'est une secte à part ou une race à part de martiens. Là. Même ton père était un blédard, alors si on va parler comme ça. Ton père, il est venu d'où? Miami. Il est venu du bled aussi loin. Dit. Blédard. Arrêtez. Je vous comprends, parce que c'est pour ça qu'elle a dit, excusez-moi du terme. Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas me marier pour l'instant. Je veux finir mes études. Et en plus de ça, j'ai rencontré un frère qui veut bien attendre que je finisse mes études pour me demander ma main à mon père. Chère sœur, quand vous savez que c'est comme ça, bar d'alikum, déjà rencontrer un frère, faites attention, vous devez arrêter tout ça. Vous en verrez les conséquences. Arrêtez ce contact avec ce frère. C'est tout. S'il veut venir, il n'a qu'à venir vous demander en mariage. Et l'histoire avec vos parents, dites la vérité. Il faut toujours crever l'abcès. Ça, c'est une théorie que je donne parce que j'ai remarqué au boulot, tous ceux qui ont traficoté, après trois ans, il n'y a plus moyen de refaire marche arrière. Satan te dit, mais non, c'est trop tard, il ne faut pas revenir. Et l'affaire, elle va loin. Il y en a qui entament des relations et tout le reste, vous savez. J'ai vu ça de mes yeux. Il ne faut pas. Crève l'abcès. Dis à l'Walida, je ne veux pas, parce que, Inch'Allah, voilà, il y a une sœur qui m'a parlé de son frère, ils vont venir demander. Je préfère quelqu'un peut-être d'ici, parce que je comprends peut-être mieux. La preuve, vous ne savez pas étonner, même certains jeunes du pays nous font la remarque, ils disent, on s'est mariés ici, mais c'est vrai, on ne savait pas que, des fois, côté mentalité, ce n'est pas la même chose. Je vous donne un bête exemple, et je termine. L'argent. Est-ce que c'est la même vision, un jeune qui est né ici, un jeune qui est né au bled? Pas nécessairement. J'ai déjà eu le cas devant moi. Le gars qui vient du bled, par exemple, moi j'ai le fils de ma tante du bled, il est marié avec ma sœur. Ben, la différence entre moi et lui, c'est quoi? Le fils de ma tante, par exemple, il travaille, le salaire, il va s'asseoir, il me dit, voilà, je vais pour un petit morceau de terre, pour Kada, pour ceci. Voilà, pour construire, pour... C'est tout à fait normal. Parce que lui, son attache, elle est où? Elle est au bled, il a grandi là. Ça veut dire que lui, en vérité, son vrai départ, c'est là-bas. C'est pas l'arrivée où il est. Et j'ai remarqué, subhanallah, quand je parlais avec lui, moi, je le comprends. Pourquoi? Parce que ma génération, nous, on est beaucoup plus attachés au pays qu'ici. Je ne tourne pas autour du pot, c'est la vérité. Moi, je suis plus attaché au bled qu'ici. Même si j'ai 40 ans, je suis né ici. Parce que tout le temps, on nous prenait au pays. Mais quand je vois maintenant mes petits frères, quand on discute, je fais une terre où ça? Je fais au bled. Quel bled? Regardez, c'est, subhanallah, tout le temps, j'ai la blague. C'est des phrases automatiques. Je fais, quel bled? Combien de bled tu as? Je suis au Maroc. Ah, il est étonné, wallah, des fois je regarde mon frère, il est choqué. Je fais, pourquoi tu veux pas le... T'es foutu ou quoi, ça? J'ai rien à voir, moi, là. Je dis, mais tu vas chaque année? Oh, c'est les vacances, hein. C'est pas la même chose. Et je vois un de ces décalages incroyables. Eh bien, rien que ça, j'ai eu des couples où la soeur, elle fait, ah non, moi je vais acheter un appartement ici à Paris. Et le frérot, il dit, mais t'es fou, non, Inch'Allah, dans 10 ans, le hijra, on part, on retourne. Elle dit, faut retourner où? Mais au pays, putain. Voilà, et c'est parti en cacahuète. Ils sont là devant moi, ils se mangent. Là, je comprends pourquoi des fois ça ne marche pas très bien. Vous savez, il faut... Prenez votre temps, c'est ça qui manque et je termine. On doit prendre... Vous avez remarqué que ce soit avec nos parents, les couples, comme vous voyez avec les questions. On doit prendre le temps dans notre communauté à discuter, dialoguer. Ça, c'est un gros problème chez nous. Vous avez remarqué, la communication, ce n'est pas dialoguer. Soit on se comprend. Alors là, on rigole, mais s'il y a le malheur qu'on ne se comprend pas, on ne rigole plus. Vous avez remarqué ça. Alors que c'est que des sujets, il m'a obligé, il m'a fait, il veut... Fallah d'alikum, essayez un petit peu, c'est le but de ces questions. C'est pas tout simplement répondre comme ça aux gens bêtement, loin de là. Mais chaque question est pour nous, subhanallah, une manière des fois de se dire, tiens, si jamais moi un jour j'ai ce problème, comment je pourrais réagir? Et si jamais kada, et si jamais ça arrive dans ma famille, comment je pourrais aider? C'est à ça que aident justement les questions. Jazakumullah pour votre patience. Si vous savez, donc je vous ai dit, Inch'Allah, hein, on s'est déplacé de Bruxelles. pour vous voir et on vous aime. Wallahi, on Allah subhanahu wa ta'ala. Uhibbukum fillah et shabab, et aussi les responsables qui nous ont invités. Enfin, soyez là encore demain, Inch'Allah, 11h. Hein, je ne dois pas vous supplier, hein, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez un bénéfice immense quand vous y venez. Sachant que c'est un dimanche, jour sacré pour certains. Yak. Je ne parle pas de sacré, d'Adi Meshab. Quittez votre lit parce qu'arrivera un jour où vous chercherez après une hasana, vous ne la trouverez pas. Yawma yafirru al-mar'u, yafirru, hein, même de son frère, de son père, de sa mère. Tout le monde va harab quand ils vont te voir arriver. Tu voudras une hasana, pas moyen. Enfin, venez. Venez aux conférences. Patientez, écoutez, parce que c'est notre bénéfice sur terre. Yarhamukallah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين et il y aura pas de questions en privé, il suffit pas, il faut pas m'attendre comme ça l'un derrière l'autre. Je suis, alhamdoulillah, on a donné ce qu'on a pu.